Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 48e numéro de Sur nos écrans. On est en plein milieu d'une grosse période de gros événements du côté du cinéma, de la télé. Et après la série Netflix Daredevil pour sa saison 2, on va vous parler cette semaine de Batman v Superman Dawn of Justice, le film de Zack Snyder qui est sorti il y a maintenant une dizaine de jours en France. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 48e numéro de Sur nos écrans. Cette semaine pour ce débrief, Arnaud, salut, Elodie, bonsoir, Irish, salut, et Léo. Hello. Avant de commencer en parlant de Batman v Superman, peut-être juste une chose, pour ceux qui l'auraient raté, le 200e Comic Stories dont on vous avait déjà parlé plusieurs fois et notamment la semaine dernière dans notre débrief de Daredevil est dispo, allez-y, n'hésitez pas à l'écouter, je pense qu'après ça vous ne nous verrez plus jamais de la même manière. Non. Allez, on parle de Batman v Superman direct. On va peut-être pas faire de bilan de notre semaine série parce que on est sur un podcast cinéma et puis je pense qu'on aura besoin de bien assez de temps pour parler du film. Première chose, comme d'habitude, on va poser nos avis rapides pour placer un peu le curseur et savoir qui est de quel côté par rapport au film, un film qui divise énormément. On parlera ensuite des acteurs et non pas des personnages puisque je pense que là pour le coup il y a vraiment une différence entre l'acteur et le personnage. La réalisation, les personnages ensuite, le scénario, et puis on donnera nos notes, on parlera de l'avenir du DCEU éventuellement, et puis on donnera les scores du vote sur comicstories.fr, où on vous demandait aussi votre avis sur le film, vous avez été pas mal à voter et même à commenter. Allez, un avis rapide, dans l'ordre alphabétique, comme d'habitude, Arnaud. C'est un beau bordel, littéralement, il y a de belles choses, de belles idées dans le film, pour une fois chez Snyder, c'est étonnant, mais c'est quand même un gros bordel, un gros foutraque, il y a trois histoires en même temps, il n'est pas capable de tenir les trois en même temps, et plein de choses imparfaites et ridicules, on en parlera plus quand on parlera du scénario, mais dans l'ensemble, je suis pas non plus sorti avec l'idée de défoncer le film morceau par morceau. C'était plutôt plaisant, des moments j'ai hurlé en bien en mal, ça dépendait des moments, mais dans l'ensemble c'est pas la catastrophe annoncée par les médias. D'accord. Elodie. Moi je suis assez mitigée sur le film, je trouve qu'il y a des bonnes choses comme des moins bonnes. Voilà, donc on développera plus tard. Juste pour la petite anecdote, moi je n'avais pas aimé Man of Steel, je tiens à le dire. Ça peut avoir son importance. Je vous expliquerai peut-être après qu'est-ce qui m'avait dérangé et qu'est-ce qui m'a plu dans celui-ci par rapport à Man of Steel. D'accord. Tu l'as vu en VO, VF? VO. 3D, 2D? 2D. Et Arnaud, juste pour préciser? VO, 2D. Ok. Irish? Je vais commencer par ta dernière question. J'ai vu en VO 3D. D'accord. Donc je suis aussi mitigé que les autres, mais je dois avouer que je suis ressorti de la salle avec plutôt un esprit plutôt positif. Il y a certaines choses que j'ai pas aimées, mais sur le coup j'ai laissé, je ne me suis pas attardé dessus. Bon, on reviendra dessus, mais le fait parfois un peu de lire après des trucs ou de repenser. Ça noircit un peu le tableau, mais dans l'ensemble, les 2h30 sont bien passées, sauf peut-être à partir d'un certain moment où il y a eu un certain moment dans la première partie où je regardais un peu pas mal la montre, mais au final, moyen film, plutôt bien, moyen bien, on va dire. Voilà, ok. Léo? Moi aussi, je l'ai vu en VO2D, donc. Et alors, je m'attendais, moi non plus, je n'ai pas aimé Man of Steel, et du coup, je partais avec un a priori relativement négatif sur le film, en plus avec les critiques qui sortaient, enfin, c'était vraiment pas le beau fixe. J'en suis ressorti pas convaincu, pas pleinement convaincu. Je trouve que Zack Snyder est un cinéaste extrêmement limité et je vais rester dans l'euphémisme. En revanche, sur l'histoire, tout ça, on va parler après. Il y a des détails qui m'ont pas plu. La longueur, parfois, je l'ai bien ressenti. J'ai trouvé que c'était justement, avec ces 2h30, cet aspect ultra massif, que c'était un film qui parfois se regardait évoluer. Et bon, après, avec le recul et un petit peu à froid, il y a de bonnes idées, il y a de bonnes choses, il y a quelques trucs qui sont pas mal, mais dans l'ensemble, j'en suis ressorti un peu mitigé, notamment parce que, comme l'a dit Arnaud, c'est aussi un gros bordel. Voilà. Ok. Pour ma part, le film a deux problèmes fondamentaux, son titre et les trailers. Son titre, parce que Batman, il est pas dedans, Superman, il est pas dedans. L'aube de la justice, si la justice, c'est ça, eh ben, je préfère le monde dans lequel on vit, franchement. Ouais, c'est justice, je suis d'accord. Batman, les trailers, je suis pas très d'accord avec toi. Les trailers, on a vu tout le film, on a vu tout Wonder Woman dans un putain de trailer de 2 minutes. C'est quand même assez gênant. Les trailers, c'est une blague. Les trailers, c'est une grosse blague. Et pour terminer sur le titre, il reste le petit V, pourquoi pas versus, parce que cet affrontement, c'est une putain de blague. Bah, c'est court. Ouais, après, si tu parles. Je suis d'accord que les motivations, elles sont un peu légères. Déjà les motivations, quand tu places le titre d'un film sur un affrontement et que l'affrontement il est à la fin, il dure 4 minutes montre en main. 4 minutes, oui. C'est et en plus il est dégueulasse visuellement. Bon. Bref, ah non, voilà. C'était bon. Non, là je peux pas te laisser dire ça, c'est pas dégueulasse visuellement. On parlera de la réelle de toute façon juste après. C'était juste l'avis rapide, voilà, sans trop développer. Vous avez compris qu'a priori on risque de faire une Gotham inversée. Cette fois c'est pas Léo qui sera plus ou moins seul contre tous, ce serait plutôt moi. Ouais, Ça dépend sur certains points. Ouais. On va commencer à parler des acteurs. Vous comprenez sans doute pourquoi j'ai voulu séparer les acteurs des personnages. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a la performance, plus dans ce film que dans d'autres, la performance des acteurs est à vraiment séparer des personnages qui dépendent plus de l'écriture. Oui, je pense aussi. Ouais. Dans certains films, on peut, genre Deadpool ou Ant-Man ou je sais pas quoi, voilà, ça peut être plus ou moins lié. Là, pour moi, il y a vraiment un fossé entre le jeu et l'écriture. Et surtout qu'en fait... pardon, Eric. Oh ben vas-y, Léo. Très rapidement. Surtout, on a beaucoup parlé des acteurs. Au-delà des trailers qui dévoilaient tout, et on a surtout beaucoup parlé des acteurs avant que le film, avant que le film n'ait lieu, avant que voilà. Ben Affleck a déclenché les passions depuis 2 ans environ. Depuis qu'on connaît son nom, quoi. Voilà, c'est ça. Ben Affleck ne fait que déclencher les passions. Henry Cavill, bon, je j'ai pas une vision globale, mais je crois que c'est pas non plus le Superman qui ressort tout de suite, non, c'est clair. Voilà. Jesse Eisenberg en Lex Luthor, là aussi. C'est pas un choix évident. Voilà, il fallait le choisir. Mais alors en plus, surtout quand juste avant, on t'a teasé Bryan Cranston pour jouer Lex Luthor et qu'ensuite on te sort Jesse Eisenberg. Je te dis, il y a un problème quand même, il y a un décalage dans le choix, dans le ton, dans le voilà. D'ailleurs, Snyder a confirmé que Cranston était bien le Lex Luthor prévu à la base. Oui, et quelque part, ça avait une certaine logique dans la logique du personnage tel qu'on se l'imaginait, tel qu'on se le représentait. Et là, on a eu quelque chose de fondamentalement différent. Donc le film a fait une promotion déjà, en fait, médiatique qui déjà lui a tiré une balle dans le pied, je trouve, qui a été vraiment. Très très chaotique, très bizarre jusqu'au bout, on savait pas trop. Là encore, ils ont dévoilé une scène coupée qui donne un aspect majeur du film, il y a des trucs à venir. Le film subit aussi ça, cet aspect médiatique qui est très très prégnant et qui fait que quand tu vas voir le film, c'est la dernière chose, j'arrive après. C'est la dernière chose sur le gars, c'est que du coup, quand tu vois ce film, c'est comme pour The Revenant, c'est-à-dire que maintenant tu vois plus Batman, tu vois plus Superman, tu vois juste des acteurs. Pour The Revenant, tu voyais Leonardo DiCaprio parce que t'en as parlé pendant deux plombes et parce qu'on t'a dit que c'était un Oscar. Là, c'est pareil, tu vois juste Ben Affleck qui joue Batman et tu vois pas tout de suite le lien, la connexion entre les deux. Pour terminer cette intro sur le casting, on a aussi Gal Gadot qui avait aussi suscité beaucoup de remarques quand on a su que c'était elle, notamment quant à sa carrure physique qui c'était plutôt faible. On va les détailler un par un. Batman c'est le premier dans le titre, donc Ben Affleck. Moi j'ai trouvé sur Ben Affleck. Moi je veux bien me lancer sur lui. Et c'est une révélation. Je trouve peut-être dur avec lui. Effectivement, moi, quand à l'annonce du casting, je trouvais que ça collait pas trop avec le personnage, mais je dois avouer que après avoir vu le film, je suis plutôt, c'est celui qui s'en tirait le mieux, je trouve. Mm-hmm. Néanmoins, j'ai quand même sa carrure un peu rigide, costaude. Pas un monstre physiquement. Ouais, voilà, physiquement, donc ça collait peut-être pas un peu trop avec l'image de Batman. peut-être à cause du fait que j'avais déjà j'avais le Batman de Nolan Christian Bale en tête, que je trouvais qu'il collait très bien au personnage. Bon, après, c'est difficile aussi de séparer, tu vois, personnage et acteur, parce que moi, je vais te dire, il fait pas un bon Bruce Wayne. Pour moi, il fait pas un bon Bruce Wayne, mais il fait un très bon Batman. D'accord. Même avis, par exemple, Arnaud. Déjà, moi, je voudrais dire, c'est que contrairement à Erich, j'étais confiant dans au moment de l'annonce. J'aime assez Ben Affleck. Il est assez bon acteur dans ses films précédents. Donc j'avais confiance. Oui, sauf Daredevil, mais c'était il y a très longtemps. Il y a 10 ans. Depuis, il a fait des films mieux que ça. Il est super. Mieux encore. Je suis pas sûr que ce soit lui le problème dans Daredevil, mais bon. Oui, ça vient aussi de l'écriture et de la réalisation. Mais... c'est un souci. Mais là, oui, j'étais assez confiant au moment du casting et ça s'est confirmé avec le film où je l'ai trouvé assez bon, assez convaincant en tout cas en tant que Batman. En tant que Bruce Wayne, non, puisque Bruce Wayne, comme Clark Kent, n'existe pas dans ce film. Bah ouais, ça, les deux personnages n'existent pas dans le film. C'est l'un des défauts qu'on pourrait reprocher au film. Après tout, c'est un choix. Ils ont accentué le côté super-héroïque en laissant plus l'aspect humain de côté et en essayant d'injecter justement l'humain dans le super-héroïque avec Superman. Paris réussi ou pas, pour la plupart des gens, non, mais on en reparlera peut-être plutôt pour les scénarios et les personnages. Mais sur Ben Affleck, dans l'ensemble, j'étais confiant au départ et convaincu à l'arrivée. Et ça s'est bien passé pour moi à ce niveau-là. Et j'étais confiant aussi hein, quand on avait annoncé Ben Affleck. Mais moi aussi, ouais. Ouais, j'aime bien Ben Affleck. Je trouve qu'il a pas. J'ai plutôt des a priori positifs sur le bonhomme. Donc voilà. Ouais. Oui, pas... voilà. Ouais. Et je trouve que. Et moi, je le voyais très très bien en Batman en plus. Hein. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Et en effet, moi, je trouve qu'il fait totalement le job. Hein. Alors, il marche bien. Ouais. Il fonctionne. Et même sa carrure. C'est riche, je disais ça, qu'il a une grosse carrure vraiment costaud. Ça marche, et contrairement à celui de Christian Bale dans les films de Nolan. C'est que Christian Bale lui a voulu beaucoup plus marquer l'humain, et alors que Snyder lui veut vraiment marquer le côté héroïque, monstrueux. C'est dans le film, c'est un justicier borderline quand même, on en parlera. Expérimenté en plus. Et bah, il a voulu vraiment accentuer c'est le fait que ce soit plus de l'ordre de la créature qui fait vraiment peur aux criminels, plus du côté de Burton dans ce cas-là, plus que de Nolan qui a vraiment voulu humaniser ce personnage. Ouais, tu parles de Christian Bale, effectivement, qui faisait peut-être un meilleur Bruce Wayne qu'un meilleur Batman. Là, on a peut-être l'inverse avec Ben Affleck, effectivement, qui a plus de mal à mettre les nuances d'un Bruce Wayne vieillissant. Et voilà, En même temps, je suis désolé, mais derrière un masque, c'est pas très difficile non plus. Hein. Faut être convaincant quand même. Pas de convaincant, mais t'es convaincant aussi, parce que t'as la carrure, quoi. Il y a quand même une certaine posture à avoir, une certaine attitude dans les combats, dans la manière de poster le costume. Enfin, il y a des choses. Moi, je le vois en costume, je le vois. Je fais ouf, non, pas terrible, mais en le costume de Batman, moi, je le trouve super convaincant. Ah ben, j'ai pas dit qu'il l'était pas, mais pour moi, Christian Bale l'était tout autant, quoi. Bon, voilà, sur Ben Affleck, a priori, il fait le job, quoi. Bah, il est pas mal, ouais. Je trouve que, enfin, j'ai toujours trouvé que cette anti-hype sur lui et le fait de lui cracher la gueule parce qu'il a été Daredevil et que voilà, je me dis c'était un peu excessif, quoi. Sinon, dans ce cas-là, on prend pas Ryan Reynolds, hein, Green Lantern, voilà, Green Lantern, Deadpool. C'est pour ça que ça a pris aussi longtemps. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense que dans l'optique dans laquelle lui a fait jouer Snyder, Ben Affleck était un choix relativement potable et plutôt correct. Et à l'arrivée, il se démerde pas trop mal. Surtout que Ben Affleck a cette tendance à toujours faire la gueule. Et, et du coup, quand tu vois le Batman qui joue, quelque part, ça passe très bien. Donc, au final, ça va. Ne serait-ce qu'au niveau de sa mâchoire carrée, quand il met le masque, bah, t'as le reste de son visage qui est assez charismatique. Mais ça représente quelque chose. Le masque ne mange pas tout son visage. Oui, il y a autre chose. Chez Christian Bale, il y avait le masque et puis une lèvre et puis des lèvres et c'est tout. Allez, on va laisser Batman de côté. On va parler de Superman qui Clark Kent qui revient pour la deuxième fois après Man of Steel. Henry Cavill donc. A-t-il amélioré sa prestation par rapport à Man of Steel? Bah, par rapport à ce qu'on disait, que peut-être que Ben Affleck était mieux en Batman qu'en Bruce Wayne, je trouve que Henry Cavill est mieux en Clark qu'en Superman. Mais Clark il ne s'est pas spécialement dans amélioré dans son jeu. Donc, pour moi, Henry Cavill est incapable de faire la différence entre Clark et Superman. Il joue les deux de la même manière. Mais oui, moi, j'allais dire que Clark. Pour moi, c'est l'écriture du personnage qui fait ça. Ah, je suis pas sûr. C'est la place laissée à la place. Même sombre, il est inexpressif. Hein. Même sur un moment léger, comme la scène de la baignoire, bah, je suis désolé, mais il a la même gueule que dans tout le film. Quoi. Il arrive pas à faire la transition entre Clark et entre Superman. Il les joue les deux de la même manière, d'une manière monocorde, sans expression particulière. Et c'est un peu emmerdant. Mais c'est peut-être là que c'est peut-être le choix de réalisation de Snyder qui veut que les deux ne soient pas vraiment dissociables. Le but c'est que quand même c'est ridicule que juste des lunettes arrivent à cacher son identité. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ça, en plus, exactement. Le reste ne différencie pas. C'est une référence au comics, c'est un clin d'œil. Tu regardes même. Non, mais les habitants. Non, vas-y, je t'en prie. Donc tu regardes même par exemple quand il est en Clark Kent, il est toujours en train de défendre les pensées ou les idéaux de Superman. Tu vois son travail au Daily Planet, il est toujours dans la tête de Superman. Il veut prouver que Batman n'a pas raison. Il est tout le temps en Superman, d'où peut-être le fait qu'on n'arrive pas à différencier les deux personnages. C'est pour ça que j'insiste sur sa scène de la baignoire et que pour moi on peut pas tout mettre sur Zack Snyder. Parce que cette scène de la baignoire, c'est à peu près la seule scène où Snyder a allumé la lumière. Donc on sent qu'il la met à part par rapport au reste, et qu'il n'a pas les mêmes intentions sur cette scène que sur les autres apparitions de Superman ou de Clark Kent. Et pourtant, il n'arrive pas à la jouer d'une manière différente. Personne en face de lui sait qu'il est Superman. Donc là, justement, il peut être. Mais justement, contrairement au Daily Planet, là, il peut être totalement Superman sans même essayer de cacher parce qu'elle sait qui il est. Alors que justement, pour moi, c'est le moment où il doit être lui-même. Et au final, il n'est pas différent de quand et il voilà. est. Le problème de Henry Cavill, je trouve, c'est que. Il a cette incapacité à avoir un changement, un vrai truc dans le visage qui fait que tu sens que quand il est Superman, il est quelqu'un d'autre que quand il est Clark Kent. Il y a déjà en effet tous les habitants de Metropolis sont vraiment tous des aveugles parce que bon, c'est clair. Mais justement, à ce moment-là dans Supergirl aussi, ils sont des séries de super-héros, c'est comme ça. Surtout pour Superman, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que le mec il met des lunettes et tout de suite, ça doit plus. Et le problème, justement, c'est là où je veux en venir, c'est que Henry Cavill joue d'une manière telle que même quand il met les lunettes, bon, je sais pas, enfin, même si le spectateur est complice et le spectateur sait que c'est Clark Kent, c'est Superman, tout ça, mais de toute façon, avec le jeu d'Henry Cavill, tu vois quand même pas la différence. Il n'est pas capable de véritablement se montrer en tant que Clark Kent quand à côté Bruce Wayne, tu vois, tu fais largement la différence, quoi. Donc c'est assez compliqué. Et comme l'a dit Arnaud, surtout Clark Kent n'existe pas dans ce film. À partir de quel, enfin, il y a un moment Clark Kent, c'est cette moment de la baignoire que j'ai trouvé complètement raté d'ailleurs. Enfin, je trouve que c'était zéro subtilité, mais de toute façon Zack Snyder n'a aucune subtilité. Donc, ah bah non, jamais. Jamais, c'est le zéro. C'est pour ça que je trouve que c'est un mauvais cinéaste, c'est qu'il n'a aucune subtilité. Mais là justement, c'est le moment où tu vois que Clark Kent et Superman, enfin. Bah on voit les limites de Cavill, quoi. Clairement là. Voilà, exactement. Que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Henry Cavill. Oui, moi je tiens à dire que sa meilleure scène, c'est celle où il est torse nu. Voilà. D'accord. C'est une précision importante, effectivement. Ah bah oui, il faut quand même le jouer. Ça, il a pas besoin de le jouer, en fait. Bah, c'est ça. Allez, on va passer au troisième. La troisième, Gal Gadot, quand même principal ajout du film. Première apparition de Wonder Woman à l'écran depuis très très très longtemps, depuis Linda Carter, si je ne me trompe pas. Dieu sait qu'elle était attendue, cette Gal Gadot. Alors, elle fait le job ou pas? Oui. Moi, j'étais pas du tout convaincu par le casting. Pas au niveau de son physique, mais plus en voyant son CV. J'ai dit, où est-ce qu'ils ont été la chercher dans Fast and Furious? Oh mon Dieu. Dans quelle galère ils ont été la chercher, celle-là? Et puis en lisant des interviews, j'étais pas super convaincu par ce qu'elle racontait sur le personnage. Donc j'avais un peu peur là sur ce coup-là. Et au final, elle m'a totalement conquis à l'écran dès sa première apparition en Wonder Woman. plus qu'en Diana Prince, puisque ses scènes ne sont pas extraordinaires, mais bon, ça c'est plus un problème de scénario que de l'actrice. Mais dès qu'elle apparaît en Wonder Woman, dès la première seconde où elle arrive, et avec cette musique qui se lance, cette musique électro avec des petits côtés un peu antiques, tout de suite j'étais conquis par le personnage. Non, mais elle est efficace, quoi. Elle fait le job. Enfin, ses apparitions en Diana sont plutôt bien. Enfin, elle interagit. Oh, c'est pas mauvais, bien, mais. Elle est partie sur ce scénario parce qu'elle sert à quoi? À rien. Exactement. Elle est là pour récupérer une photo. Mais ça sert à quoi puisque c'est pas le fichier original? Et pourquoi elle veut une photo d'elle? Oui. Tu comprends pas trop, en fait. C'est plus un problème de scénario à ce moment-là. Scénario, ouais. Non, mais c'est le scénario qui pêche, hein, qui parfois dessert les personnages, mais elle, en tout cas, en tant qu'actrice, elle fait le job, elle est efficace. Ouais, très bien. Ok. Elodie, même avis? À peu près, ouais. C'est ça. Moi, le problème, c'est qu'elle ne sert pas à grand-chose, on la voit à peine. Elle vient vraiment pour le combat final, et encore, je pense qu'elle n'aurait pas été là, ça aurait été pareil. Après, l'actrice en soi... Moi, j'avais aucun préjugé, je la connaissais pas, donc je m'en foutais un peu. Moi, ouais, je trouvais comme son personnage, moi, transparente. Oh. Moi, je trouve qu'elle fait le job, hein, ni plus ni moins. À peu près, ouais. T'es mauvaise elle m'a pas renversée, quoi. Après. Moi non plus, mais elle est pas mauvaise pour autant. Non, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est ni là ni pas là, voilà. En fait, là-dessus, je rejoins les autres, c'est que c'est un problème de scénario, c'est que son personnage. Et introduit de façon, on se dit, bon, cool, il va y avoir une intrigue autour d'elle, mais pas du tout. C'est, je trouve, totalement. En fait, c'est juste pour préparer son film. Hein. Là, pour le coup, beaucoup dans ce. Pour le coup, sur elle, à part Jesse Eisenberg, ça va être elle, la seule sur laquelle je pense que j'aurais dû la voir en VO pour pouvoir mieux apprécier sa prestation. Parce que il y a un truc qui me voilà, et j'arrive pas à savoir si c'est l'AVF ou si c'est elle. Donc c'est pour ça que je suis un peu sans avis et que voilà. Oui, parce que j'ai pas vu la. Ben, je regarde la bande annonce VF pour voir peut-être sa voix. Je suis pas sûr qu'elle parle dans la bande annonce. Mais... peut-être. Jesse Eisenberg maintenant. Alors Jesse Eisenberg, grosse controverse. Hein. Il y a vraiment ceux qui adorent et ceux qui détestent. Hein. J'ai adoré. Voilà. Ça. Alors sur la prestation de Jesse Eisenberg, moi je suis à 100% du côté d'Elodie. Sur sa prestation d'acteur qui n'a rien à voir avec ce qui a été fait de Lex Luthor. C'est vraiment autre chose là pour le coup. Bah, totalement. Mais sur la manière qu'il a de jouer ce qu'on lui a écrit, moi je trouve qu'il est excellent et que c'est. Il est en total décalage pendant les trois quarts du film. Avec quoi? Bah avec le reste du ton du film. Mais justement, parce qu'il a été écrit comme ça. Moi, j'ai apprécié ce non. côté. Mais justement, là, c'est encore un problème d'écriture. Problème. Du coup. Ah, c'est un problème d'écriture, oui. Ah bah alors, moi, tu vois, je suis hyper contente de comment on a écrit son personnage. Ce qui m'a dérangé, c'est de pas connaître vraiment les motivations du personnage, mais ça, c'est autre chose. Il n'y en a aucune. Ouais, bah c'est ça, le souci c'est que là-dessus, moi je suis un peu restée en mode pourquoi il fait ça, c'est quoi le but, voilà. Mais en soi, l'acteur comme le personnage, parce qu'au final j'ai du mal aussi à les dissocier, c'est que le personnage qui n'est pas du tout un Lex Luthor qu'on connaît, et bah j'ai trouvé cette proposition très intéressante, et j'ai trouvé qu'il le jouait remarquablement bien. Ah ouais, le problème. Le problème de Mark Zuckerberg, t'allais dire. Exactement, j'allais faire un énorme lapsus. C'est que il joue Mark Zuckerberg, putain, on dirait un Mark Zuckerberg génie du mal. Ah si, on dirait un Mark Zuckerberg génie du mal. Revois Social Network. Pas, hein. Mais Lex Luthor, enfin ça veut dire que ce serait de la caricature de dire que c'est Lex Luthor, que c'est le méchant principal, celui qu'on nous annonce et tout, et que tu vois que c'est un hippie en costard, patron d'une grosse société. Et qui mais ça, c'est pas Eisenberg qui le décide. Non, mais alors, dans ce cas, là encore, il y a un problème d'écriture de personnage. Si, en effet, tu demandes à Jesse Eisenberg de refaire Mark Zuckerberg en lui ajoutant une touche de devilness, ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Là, voilà, et limite, en plus, c'est là-dedans qu'on... Enfin, c'est un peu comme ça qu'on voit Jesse Eisenberg depuis The Social Network. Et là, si tu lui redemandes de faire ça, ok, très bien, il va très bien te le jouer, ça, il n'y a pas de souci. Mais en tant que tel, le personnage, son discours, au moment où il dit, ou d'ailleurs il fait se rencontrer Bruce Wayne et Clark Kent, son discours, mais c'était ultra gênant, c'était pas drôle, c'était pas engageant, c'était vraiment gênant, quoi. Et alors, par contre, à la fin, comme d'un coup, visiblement, il a des motivations qu'on comprend pas trop, tout ça, là, tout de suite, c'est un peu mieux. Tout de suite, tu vois l'évilness du personnage qui commence à se dévoiler, et là, il le fait très bien. Il est même limite terrifiant sur les dernières images. Mais pendant les trois quarts du film, comme l'a dit Arnaud, moi, j'adhère pas. Pour faire simple, Heisenberg, c'est le seul, dans le film, qui, en tant qu'acteur, et non pas en tant que personnage, m'a fait réagir à un moment ou à un autre. Ah oui, c'est sûr. En tant qu'acteur, ouais, soit ils font leur job, soit je les ai trouvés plutôt transparents, mais lui, il a quand même réussi à soit me faire rire, soit à m'inquiéter, soit voilà, il a quand même réussi à me transmettre quelque chose que les autres n'ont pas réussi à faire. C'est sûr, sa performance, elle est très significative. Elle, de toute façon, elle te fait ressentir quelque chose. Il est beaucoup plus, genre, il a beaucoup plus de punch, c'est clair. Mais après, c'est dans le personnage en lui-même. Ah, mais après, c'est le personnage. Là, il faut adhérer. Moi, personnellement, j'adhère pas. En tout cas, pour 75% du temps. Une dernière, avant de passer à la réalisation et après de rentrer dans le gros du sujet, le personnage et les scénarios. Amy Adams. Amy Adams. Ça sert à rien. C'est la demoiselle en détresse qui s'est sauvée. C'est une crush. Mais est-ce qu'elle le joue bien, ça, au moins ? Est-ce qu'elle le joue bien, au moins, ça ? Non. Ah non. Elle joue la cruche qui va faire sa demoiselle en détresse que Superman va devoir sauver à chaque instant et elle est même pas foutue de faire ça correctement. Elle est incapable. On n'y croit jamais. On n'y croit jamais à son baratin. Ouais, en plus, l'autre moitié du temps, elle joue la femme forte, tu vois. Donc quelque part, elle est toujours dans un décalage dans son rôle et soit elle surjoue, soit elle sous-joue, mais elle est jamais dans le bon ton. Et au fur et à mesure du film, elle est de plus en plus agaçante, je trouve. Ouais, je suis d'accord, elle est tout le temps à côté, elle est en permanence à côté, ouais. Elle n'en met pas une dedans. Il y a un problème d'écriture et d'interprétation. Là, il y a pour le coup. Vous n'aviez pas déjà trouvé que c'était le cas dans Man of Steel? Bien sûr, elle était mauvaise dans Man of Steel. Moi, je l'ai trouvé, je l'ai détesté en Man of Steel. Je me dis, mais c'est quoi ce casting de Lois, franchement. De toute façon, celui qui joue le mieux, c'est le Zod. Ouais. Allez, on va arrêter avec les acteurs. On va parler de Monsieur Snyder, de sa réalisation, de ce qu'il nous a proposé visuellement, aussi pour l'oreille, avec notamment l'apport de... Merde, comment s'appelle-t-il ? Hans Zimmer, voilà. C'est pas sur son dernier travail super-héroïque. Sur son dernier travail super-héroïque, le pauvre. On va parler de l'enrobage et après on parlera de l'histoire. Zack Snyder, Léo, Arnaud, on parlait déjà, je t'avais déjà fait la remarque, notamment en parlant de Terrence Malick. Pendant une bonne partie du film, notamment la partie où ça dialoguait beaucoup. Attention. Voilà. J'avais l'impression que c'était un montage à Terrence Malick. Les scènes étaient agencées, mais t'avais l'impression, mais n'importe quoi, tu peux le dire. N'importe quoi, voilà. Le montage est dégueulasse. Ah oui, avec des musiques qui n'ont rien à voir, un lyrisme, mais exacerbé. Mmh. Je te prends par exemple la scène d'ouverture avec l'introduction avec le meurtre avec, des parents. Dire, avec Bruce et tout, les parents. Magnifique. Et c'est... Ouais, je trouve ça magnifique. Je dirais pas magnifique, moi, non. C'était malin justement de nous montrer ça parce que c'est une scène clé importante parce que c'est l'histoire du personnage et on va s'en servir plus tard même si la résolution est complètement stupide avec le nom de la mère, mais c'est important que ce soit figuré dans le film. Et comme c'est une scène qui a déjà été montée 3 fois au cinéma et que Snyder en a conscience, il te balance ça sur le générique parce qu'il sait que très bien qu'il faut pas lui accorder une place trop importante. Est-ce que... Et alors, moi ça m'a perturbé de voir Negan et Maggie mariés, mais à part ça ah pareil. Merci. Non, mais alors, une parenthèse, est-ce que cette scène m'a totalement rappelé celle de Gotham? Oui, avec moi. Cette scène de Gotham, J'ai l'impression d'avoir vu la même scène que dans Gotham. Que dans Gotham, ils n'ont aucune prétention parce que Zack Snyder est un énorme prétentieux. Enfin, s'il y a une chose pour laquelle je n'ai pas aimé cette scène, c'est parce que j'ai eu l'impression que Zack Snyder avait envie de me vendre que c'est un grand cinéaste alors que c'est un énorme faiseur, et encore, c'est même pas un bon faiseur. En fait, sur ce passage, j'ai aimé tout ce qui était dans la ruelle, j'ai pas aimé ce qui était dans l'enterrement. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. C'est du surjeu, c'est du surlignage, c'est du surgommage en permanence pour se dire, regardez, je suis Zack Snyder et je sais aussi faire ma scène de Batman. Je te la fous dans le générique, très bien, ça, je suis d'accord. Bah oui, c'était bien que ce soit dans le générique. Il a pu faire son petit ralenti. Et voilà, dans le contenu, 15 ralentis à la seconde, les chauves-souris qui soulèvent le collier de perles. Voilà, il tombe dans un trou, il trouve les chauves-souris le relèvent. Et c'est consternant. Enfin, est-ce qu'il s'est rendu compte que c'était too much au fur et à mesure qu'il a tourné cette scène? Je trouve ça, c'est la quintessence de l'art de Snyder. En fait, enfin, ou plutôt du non-art de Snyder, c'est que il n'y a pas de. Enfin, c'est toujours too much. C'est jamais subtil. C'est en permanence surfait. Et même, mais de toute façon, dans les autres scènes, c'est pareil. C'est-à-dire que un truc qui m'avait gêné dans Man of Steel, c'est que c'était super bruyant. Personnellement, je suis ressorti, j'avais les oreilles explosées. Oh ouais, avec la musique. En plus, avec la musique qu'ils se sont obligés de foutre à fond. Alors, pourtant, je déteste pas Hans Zimmer, mais ces thèmes, en général, sont plutôt bons. Mais sous l'égide de Zack Snyder, j'ai l'impression que c'est du gueulage dans les oreilles. Et ça, c'est pas agréable. Alors, il y a un dernier point qui aussi ne me plaît pas chez Zack Snyder. Et alors, je dois être le seul, probablement, à tilter dessus tout ça, c'est que c'est pas possible, la caméra tremble à chaque fois. Genre, au début de Man of Steel, au moment de l'explosion de Krypton, la caméra tanguait dans tous les sens, et là, pareil, au moment de l'explosion dans Metropolis et tout ça, pareil, la caméra tanguait dans tous les sens. Et ça, je me dis, mais putain, mais soit il sait pas tenir une caméra, soit il veut nous faire passer ça pour un choix de mise en scène, et alors là, je comprends pas, parce que ça part complètement en vrille, c'est pas agréable à voir. Donc, tu parlais juste d'enrobage, Mathieu, et moi, sur l'enrobage, je suis pas convaincu du tout, je trouve que Zack Snyder est un très mauvais cinéaste. Moi non plus, c'est mal monté, c'est long, c'est plat, le truc, il est complètement illisible, enfin voilà, Il y a des scènes avec des effets lumineux, là, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais justement, il fait nuit, et genre, t'as les phares des voitures, les trucs, ça te fait de la lumière. Les lens flares. Comment? Les lens flares, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Et ça, il en a tellement abusé dans ce film. Ça, c'est sa marque de fabrique aussi. Ça, par contre, tu disais sur l'intro, il y a quand même un truc que j'ai bien aimé. C'est justement au moment où les chauves-souris l'élève. Est-ce que je peux te dire un truc? Moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que pour moi, ça posait le ton de ce qu'allait être le DCEU. Parce que, notamment, il t'expliquait que tu n'allais pas être dans un truc aussi réaliste que ce que tu as eu par rapport à Christopher Nolan. Donc, justement, quand tu vois les chauves-souris le soulever, tu te dis, bah, tiens, il y a quelque chose de pas normal, de pas naturel, d'un peu plus imitatif, de Nolan, de ce que Nolan a fait. Surnaturel, merde, on a déjà un Christ, on n'a pas besoin d'un deuxième. Mais non. Ça te donne une dimension presque divine, et c'est exactement ce qu'on a. On a une déesse quand même dans le DCU. Pour le coup, on ne le sent pas que c'est une déesse. Moi, j'ai vu ça comme une séparation de l'œuvre que Nolan avait fait, de la trilogie de Nolan. Il n'est pas obligé de faire ça, surtout que c'est Batman. Enfin, c'est le mec qui est censé être un chouïa plus terre à terre par rapport à Superman, qui est l'alien, l'extraterrestre qui descend les lignes du ciel et qu'on te vend comme la menace, justement parce que c'est une menace alien. Et là, on te refait du Bruce Wayne avec un truc complètement improbable et complètement invraisemblable, qui est voilà, tant qu'on y est, enfin, regardez, je vais faire ma propre scène de Batman, je vais faire ma propre scène de naissance de Batman. C'est le souvenir fantasmé d'un enfant qui a été traumatisé par la perte de ses parents et qui s'est fait une promesse pour l'avenir, c'est tout. C'est juste un fantasme. L'atténue en disant que dans son rêve, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu sais heureusement, que c'est la réalité. Oui, heureusement, oui, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit « What the fuck ?» Qu'est-ce qui se passe? Et la phrase m'a fait. J'ai plutôt aimé du coup après. Après, voilà, en dehors de ce côté mal monté, illisible et tout ce que vous voudrez, il y a quand même 10 minutes dans le film que je garde et que voilà, c'est. La scène de départ avec Bruce Wayne dans sa voiture et tout ce passage-là sur les conséquences du film et le film vu du point de vue de Bruce Wayne, de Man of Steel. Ce passage-là, je me suis dit, ok, super, ça va aller dans la bonne direction. Et puis dès que la scène est finie, c'est fini. Je voudrais rajouter un truc, c'est que justement, je n'avais pas aimé Man of Steel parce que pour moi, l'histoire de Superman, c'était pas cette histoire que Snyder avait racontée. Et ça m'avait fortement dérangé et j'avais envie de m'arracher les cheveux dans tout le film. Le fait que Lois soit au courant tout de suite que Clark est Superman, j'avais détesté. Et j'ai détesté le fait que Superman détruise Metropolis et j'ai l'impression qu'il s'en foutait complètement. Il s'en fout pas? Ah bah désolé, mais dans Man of Steel, c'était... Enfin voilà, il casse tout et puis il casse tout, il est face à un autre dieu qui a les mêmes pouvoirs et qui veut tout détruire. À un moment, c'est enfin le premier film qui parle des conséquences que peut avoir. Dans Avengers Age of Ultron, t'as Hulk qui détruit un quart d'une ville et tout le monde s'en fout. Enfin, parler des conséquences là dans Civil War. Ça fait quand même, on est quoi en 2016, ça fait 8 ans que le MCU commence. C'est pas la première fois qu'il y a une destruction pareille. À Avengers 1, on a parlé un petit peu des conséquences, mais vite fait. Non, mais là, ce c'est enfin le premier film qui en parle. Et forcément qu'il y a toujours des destructions, même dans les comics, il y a plein de destructions de ce genre-là. Mais ça veut dire en fait qu'il y a des destructions. C'est sa réaction à lui, moi, qui m'a dérangé. Ah, il se sent pas, il est pas heureux à la fin du film, surtout qu'il a dû buter l'un des siens, le dernier de son espèce. Franchement, on le ressent pas du tout. La rage qu'il déploie à la fin de Man of Steel, si ça c'est pas une réaction face à ce qui vient de se produire, je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Et non, et puis même je trouve que là, même les réactions de Superman sont pas spécialement cohérentes dans justement le fait qu'il est tout détruit. Mais moi je suis contente par contre qu'ils en parlent et qu'on ait en effet le point de vue de Batman. Cette scène est bien faite, visuellement elle est sympa, au niveau de l'acting et tout ça, ça marche super bien. Et c'est peut-être le moment où on ressent le moins cette espèce de coupure à la hache en permanence. C'est-à-dire qu'après ce passage-là, toutes les deux ou trois minutes, on va avoir une coupe brutale, on va passer à complètement autre chose, voire même complètement à une autre intrigue qu'on a du mal en plus à situer temporellement par rapport à l'autre. Voilà, il y a ce passage-là de 10 minutes qui est un peu cohérent et qui fonctionne, et puis après, il y a tout le reste. Non, il y a la scène du tribunal. Ah oui, j'aime c'est... Oui, bon, après le problème, moi, ce qui me dérange... Superman en surplomb qui vole au-dessus du Capitole. Ouais. Ce qui me dérange, c'est que l'effet de tension, on n'arrive pas à la ressentir. Parce que Snyder n'a aucune subtilité. Bah oui, voilà. Comme par exemple, si tu sors du Tarantino, le mec peut être là... Oui, ses films fonctionnent. Juste en parlant, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça peut... déconner à n'importe quel moment. Mais là, t'as vraiment une impression de calme plat. Tu vois la meuf, elle tremble. Tu te dis, bon, elle commence à perdre, elle n'arrive pas à parler déjà. Bon, bah, tu commences à te poser des questions, mais il n'y a pas cet effet de tension de quelque chose d'énorme qui va se passer. Bah, c'est pas le problème vient du fait que Snyder a mis trois histoires en même temps et du coup il y en a pas une. Enfin si, il y en a une qui surplombe l'autre, mais comme il y en a trois à la fois, ta tête part dans tous les sens, tu sais plus où donner de la tête, où regarder, où poser ton regard, et du coup il y a jamais l'intensité d'une intrigue qui décolle plus que l'autre. Montage assez chaotique. Non mais carrément. T'as l'impression de personnage expédié un peu à la vite là. Tu te disais bon, est-ce que la sénatrice n'aurait pas une sorte de rôle? Oui, Finch, il n'aurait pas une sorte de rôle de contre-pouvoir politique à une sorte d'entre-deux, entre trois, entre Batman, Superman qui sont des justiciers masqués, entre Lex Luthor qui est un humain qui veut quand même tout détruire, et elle serait une sorte de raison politique en gros une sorte de pas voix du peuple, mais de relais du peuple par rapport à tous ces autres personnes qui sont un peu dans du surnaturel. Elle est un peu expédiée, elle ne sert à rien. Et de l'autre côté, t'as aussi l'assistante de Lex Luthor qui sur laquelle Merci on Grave. Tise. Qui ça? Merci Grave. Merci. Ouais, sur laquelle on tise pendant des minutes. Tu la vois pas mal. Elle ne sert à rien. Et elle ne sert à rien. Donc, alors que c'est un personnage pas important, mais c'est un personnage assez iconique du dessin animé de la série animée de Bruce Timm. Du coup, ça fait plaisir de la voir, mais je sais même pas si elle a une ligne de dialogue dans le film. Non, elle ressemble à. Si, elle en a une. Si elle parle à Bruce Wayne. Batman, ouais, elle Bruce Wayne, Wayne c'est tout. C'est son seul dialogue. C'est ça. C'est tout. Donc. Bon après le petit j'ai rigolé quand même avec le petit bocal de thé pour grand-mère. C'est le seul moment qui dédramatise un peu. Moi j'avais pas compris, j'ai rien compris à ce moment-là. Si, c'est. Pour le coup c'était un peu subtil. Oui. Oui. Peut-être trop parce qu'on n'a pas l'habitude justement chez Snyder. Non, c'est ça. Et j'ai rien compris, c'était trop subtil. Tu sais quand même de Snyder avec la sénatrice. Et la sénatrice lui a dit, tu ferais passer du poison pour Ouais, de la tu bonne pourrais tisane. pisser dans un bocal et appeler ça thé à la pêche de grand-mère. Ouais, t'as la Non, non, bizarre. non, elle lui a dit, tu ferais passer du poison pour de la bonne tisane, de la tisane à la grand-mère et une arme de destruction massive pour une arme de dissuasion contre les extraterrestres. Donc du Voilà. coup, quand elle a vu thé à la, de Et de la grand-mère, elle pêche. a compris que c'était du poison en fait. Ok. Non, de la pisse. Non, du poison. Non, de De la la pisse. pisse, Il a ça pissé existe. dans le bocal. Voilà. Ah ouais? Oui, c'est ça. Bien Mathieu a sûr. raison. C'est la ligne. Il dit, tu ferais passer de la pisse pour du thé à la pêche Ah de grand-mère. d'accord, ah, ok, Mais bon, bon, ah. c'est tout J'ai cru que c'était aussi du bon, poison, quelque et c'est pour ça part. qu'elle perdait ses réflexes. Ben Parce non, que ce serait le mec, con il a pissé que. dans un bocal, il a posé ça sur sa table. Excuse-moi, ça a de quoi te perturber Mais quand oui, mais. même. Non, c'est pas. Elle en avait pas vu avant? Je peut-être, je sais pas, et ça serait drôle. Non, parce Enfin. que On s'en elle tape y un a peu. titubé un peu à perdre ses mots comme si elle avait De toute bu façon, on a quelque de chose l'humeur après. qui. Ouais, Oui, moi aussi, donc. j'ai cru que c'était empoisonné, et au Ouais, voilà, final, moi pas du aussi tout. j'ai cru que c'était du poison. Non, c'était encore au-delà de ça, et c'était déjà les premiers germes de la folie furieuse de Luthor qui apparaissait là. Bon, voilà, sur ce côté, voilà, travail de Snyder au niveau de la réalisation et tout, c'est quand même pas, c'est pas du joli, quoi. C'est Non, pas. non, non, non, non. Encore une Non. fois, c'est le gros problème, c'est montage et musique. Monter autrement, ça aurait pu. Et on n'a pas parlé des rêves, là, idiots, qui te cassent Bah le ça c'est dans le rythme. scénario, c'est encore autre chose. Ah, Mais d'accord. purement sur ce que lui a fait, cette séquence-là, à la rigueur, elle n'est pas forcément hyper dégueulasse. Visuellement, au niveau de l'enrobage, tout ça, voilà, il n'y a pas. Elle apparaît juste au mauvais moment dans le Ah, film. bah ça, comme tout le reste. Bah oui, c'est Et ça. Ça puis te le casse le contenu en rythme, c'est lui-même important. est assez répugnant. Comme le combat de Batman et de Superman, enfin le combat entre guillemets, qui arrive bien Non, trop tard. là je Mais peux moi pas j'ai bien trouver. aimé justement te Bah faire ouais, je peux pas attendre que trouver. c'est dans le titre. Alors je suis d'accord que Donc le tu titre est attends vraiment. pour rien? Bah Je ouais. suis d'accord que le titre est ridicule, ils auraient pas dû. Enfin, ils auraient dû faire une autre histoire où ils ne se battent pas. Mais le fait de mettre dans le film qu'ils vont se battre, t'attends ce moment-là, et on te fait retarder, et tu crois que c'est juste Batman qui va l'attaquer. Alors oui, pendant tout le film, il se prépare à essayer de l'attaquer. Et au final, le moment où il s'attaque, c'est parce que c'est Superman qui l'attaque et pas Batman, parce que c'est Luthor qui le force. Mais ce fameux combat, c'est un pétard mouillé. Le truc, il dure 4 minutes. Il n'y a pas un moment où tu vas être surpris. C'est juste un ping-pong à moi, à toi, à moi, à toi. Non, je suis pas d'accord. Visuellement, il y a des moments où c'est quand même pas hyper clair. Oh non, je suis pas d'accord sur le visuel. Ouais, je suis pas d'accord sur le visuel. Moi, justement, je trouvais Visuellement. que c'était génial. Et c'est peut-être ça qui a peut-être relevé un peu le goût amer que je commençais à avoir avec toute cette première partie qui était vraiment parfois, qui commençait à être un peu indigente. Déjà avant que ça arrive, voilà. Donc il y a deux parties qui ont un peu relevé mon intérêt. Il y a notamment la petite course-poursuite, même si elle n'est pas géniale, entre Elle est le moche. camion. Ah bah alors Ouais, moi elle est pas c'est terrible la sur course le poursuite. On voit dessus. rien, on Bon, voit rien, on voit même à peine la Batmobile. je suis d'accord, mais disons que peut-être c'était pour le plaisir d'avoir un peu d'action, enfin. Enfin, quelle action, s'il C'est ça. Du Et calme, même Mathieu, pour le cachet. une des scènes aussi, comment dire, qu'on avait remarqué dans la bande-annonce, qu'on avait trouvé qui était pas mal, où il lui disait, voilà, tell me, do you bleed? You will. Mais le mec, il balance ça dans le vide. Il y a personne qui. Il est déjà Ouais, parti, ça tombe à plat, ce Bah, plan-là. déjà que c'est Ah, complètement c'est dommage, désamorcé par j'aurais le pu. fait qu'on l'a vu en boucle dans toutes les bandes annonces. Si on n'avait pas vu cette phrase qui est quand même assez marquante, c'est vrai, dans le film. Si on ne l'avait pas vu, peut-être qu'on l'aurait un peu plus apprécié. Donc, déjà, elle est désamorcée par ça. Et en plus, effectivement, par le contexte, elle est encore plus désamorcée. Bah oui. De même que la scène, tu sais, lorsque t'as Doomsday qui balance le laser sur Batman qui est accroché à un mur et qui lance le grappin pour se déplacer sur un autre mur. Je sais pas si vous voyez de quelle scène je Oui. parle. C'est une scène que j'ai trouvée mais super marquante, j'ai adoré. Mais problème, on l'avait déjà vu dans la bande-annonce. Ça Bah m'a pas comme tout le autant film. dérangé sur cette On a scène. tout vu dans la Oui, bande-annonce. on en reparlera dans le scénario, mais effectivement, je crois que c'est Arnaud qui disait une semaine avant, je suis sûr qu'on n'a pas tout vu et qu'on a une grosse partie qu'on nous a cachée. Ah bah oui, on nous a caché quelque chose. Mais bon. Le talent de Zack Snyder, mais il n'y avait rien à Enfin, cacher. j'ai envie de rigoler sur le truc qu'on nous avait caché. Est-ce que je suis le seul à être dérangé par la luminosité et par les couleurs? Enfin, les Non, couleurs. je suis Ah, complètement ça d'accord. c'est Snyder, sinon. Je Il n'y a suis pas de complètement couleur. d'accord. Mais C'est peut-être que Snyder. c'est Snyder, mais là, tu adaptes quand même un support qui est quand même réputé pour être hyper coloré. Ah, d'accord, ok. Mais il y a Ah. zéro coloration parce que Zack Snyder se dit, regardez, je vais faire un film sombre et donc du coup, je vais te faire zéro lumière. avec que du noir, et donc tout le monde va être super sourd. C'est même pas du noir. C'est une espèce de bleu gris dégueulasse. Je sais manier la grille des couleurs, mon œil, et je te sors genre des personnages qui font la gueule en permanence pour montrer qu'ils sont super sombres et que du coup ils sont en train de réfléchir sur leur condition humaine qui est en train de se dégrader à chaque seconde avec un bar. Et en plus, je te mets un temps de merde en permanence. Ça a toujours l'air d'être. Il fait rarement beau à Gotham, cela dit. Oui, voilà, on dirait que c'est tout le temps l'apocalypse dans ces films. Et c'est carrément du vert. Voilà. Du vert olive. Il n'est pas une faute de goût près, hein, de toute façon. On va sortir le nuancier Saint-Maclou, si vous voulez. Mais ça va. Dans 300, ça passe. Dans 300, ça passe. Tu dis OK. Mais là, effectivement. Dans 300, c'est ridicule. J'ai du mal à ça. J'avais déjà eu du mal dans Man of Steel, mais là, encore plus. Quoi. Bah oui, dans Man of Steel, c'était gris. Là, il a changé un peu de couleur, mais il a pas ajouté de couleur. Et là, c'est trop, c'est too much. Ça reste toujours dans le sombre. C'est pour ça que j'ai aimé le passage du début, parce qu'il faisait jour. Mais justement, ça fait partie de la non-subtilité de Zack Snyder, hein, ça aussi. Hein. Après, tu dis non-subtilité, dans Watchmen, c'était super. Moi, j'avais adoré dans Watchmen. Ah oui, mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis Watchmen. Hein. Ah, dans ça, putain, ouais. Ouais. Mais dans Watchmen, t'as ça a toujours été son style. Exactement. Un style assez décoloré. C'est vrai que je ne me remets pas ça trop sur. Ça a toujours été son style. Hein. Ah, t'avais quand même dans Watchmen des moments assez... assez coloré quand même, je me rappelle. Il y en a un petit peu dans Sucker Punch aussi, il y a un peu plus de couleurs que dans ses autres films, plus que dans 300, mais il a toujours eu ce style un petit peu de, à ce niveau-là, où il a toujours été un peu gêné à mettre de la couleur. Hein. Ouais, peut-être qu'il a des problèmes de vue et que pour lui c'est en couleur. Il est juste daltonien. Dans Watchmen, la seule que je vois, c'est lorsque le comédien se fait tuer au tout début. Là, les couleurs, mais peut-être parce que c'est sombre. Moi, je sais pas, Ozymandias, j'ai l'impression que dans ses apparitions, c'est assez coloré. Parce que lui-même est coloré. On va pas s'attarder forcément trop sur tout ça, parce qu'on a tellement de choses à dire sur les personnages et les scénarios. On va mélanger, on mélange les deux, on va pas séparer les personnages du scénario, tout va ensemble. Alors, on va parler de l'histoire, des personnages, la manière dont ils ont développé ou non développé, tout ensemble, un gros package. Évidemment, c'est full spoiler, hein, on a pas trop spoilé depuis le début, ça va, notamment. Non, sur, mais là, ça va partir. Notamment sur la seule chose dont on n'était pas au courant, et encore. J'ai envie de dire, mais par quoi on commence? Je veux bien commencer par un truc. Vas-y. C'est quoi ces putains de rêves là qui te cachent? Ah, tu veux commencer par la séquence de rêve? Alors pour moi, c'est pas. Je veux commencer par le pire truc du film. Quoi. Oui. Bon, alors en gros, on va mettre un jingle, on va dire. Non subtilité de Zack Snyder à chaque fois qu'on sort une scène bidon de ce genre. Voilà. J'ai le must du non subtil, c'est quand même les autres membres de la. Ça on verra ça, on va se garder pour après. T'as commencé sur la fameuse scène de rêve, donc on va rester là-dessus. Mais après pour tout ce qui va pas, juste pour répondre à Léo, il y a pas que Snyder, hein, y a aussi des producteurs, il y a aussi la Warner. Je pense que des gros problèmes là-dessus. Cette scène de rêve, déjà, vous l'appelez tous scène de rêve, mais pour moi, c'est pas un rêve, c'est juste le futur. Oui, oui. Ça dépend, il y a deux scènes, on est bien d'accord. Les deux, c'est le futur. Dans le désert. Les deux, c'est une version du futur. Si c'est un rêve, comment il a pu rêver des parademons et Omega, le symbole de Darkseid? C'est une vision du futur qui vit en rêve. C'est pas la première fois que ça arrive. Voilà. Non, parce que beaucoup de gens disent le rêve, mais voilà, on est d'accord. C'est plus ce qu'il voit du futur. Oui. Comment tu peux expliquer qu'il se couche sur sa table et il a une vision? Non, mais qu'il dorme ou qu'il est assis ou qu'il est en train de. Par définition, à faire son rêve, on s'en fout de l'endroit. Il y a eu des histoires, des choses comme ça, où effectivement, il pouvait avoir des aspects du futur qui lui viennent comme ça, voilà, sur des événements. Même si c'est vraiment un peu tout match dans ce film. Il y a des visions. Mais c'est surtout. C'est surtout inutile. Voilà. Je pense que c'était pas une volonté de Snyder, mais plus de Warner et DC qui ont dit il faut que tu nous introduises Justice League et compagnie, trouve le moyen de le faire. Et il s'est dit putain, j'ai pas vraiment le choix, il y a qu'à cet endroit là où ça fonctionne pas, où ça fonctionne plus ou moins. Mais les dossiers sont. Voilà, exactement. Mais ça fonctionne pas. Mais il s'est dit bon, c'est le moins pire dans ce cas là, mais je suis d'accord que ça fonctionne pas. Et ce qui m'a vraiment plus choqué, c'est Batman avec un putain de fusil et un costume militaire qui tire sur les gens. Et c'était trop à partir de ce moment-là. Mettez la gueule à des criminels dans le présent, on en reparlera, je suis pas d'accord non plus, mais ça fonctionne dans le film. Mais Batman, il est pas dans le film. Voilà, tu l'appelles Batman, moi c'est pas Batman ce mec-là. C'est Ben Affleck qui joue le rôle d'un type, mais il joue pas Batman, ça c'est clair. C'est sa vision du Batman à réadapter. C'est sûr, c'est la vision du Batman, comme c'est la vision d'un Lex Luthor qui n'est pas Lex Luthor qu'on connaît. Mais c'est vrai que c'est la vision de personne. Tous les personnages portent un nom qui n'est. Voilà, c'est pas ce personnage-là. Tu dis un truc juste, Mathieu, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de Batman parce que le côté super détective de Batman, ça, je ne l'ai même pas. Il est pas l'identité de son ennemi et le nom de sa mère. Il est totalement grillé par Lex Luthor qui connaît tout et il est obligé d'aller. D'ailleurs, comment il connaît l'identité de Batman et de Superman ? Mais comment Clark. Je vais vous poser la question, Michel. Comment Clark connaît l'identité de Batman ? Comment Lex Luthor connaît l'identité de Batman ? Il ne connaît pas son identité. Il l'appelle Bruce juste avant de se battre avec. Non, bah, parce que Lex Luthor lui a dit. Non. Si, il lui dit. Bah alors comment Lex l'a su? Bah ça on sait pas justement. C'est là le problème. Est-ce que vous savez, moi déjà j'avais même pas vu pendant le film, j'avais pas vu que tout ce qui s'est passé avec la kryptonite, le fait que Batman récupère, c'était le plan de Lex Luthor pendant tout le truc, même les informations qu'il a données. C'est à peu près une des seules choses qu'il a réussi à nous faire comprendre. Et là encore, comment il sait que la kryptonite est lui néfaste? Là encore, il y a un problème de. Ça on sait, c'est parce qu'il l'a testé sur Zod. Pourquoi il a voulu tester la kryptonite sur Zod? Parce qu'il savait qu'il a trouvé ce truc qui venait pas de la Terre. Il avait Zod qui était pas de la Terre non plus. Il s'est dit, tiens, il doit peut-être avoir une interaction entre les deux. C'est quand même un mec intelligent, Lex Luthor à la base. Ouais, c'est assez mal. Ouais, c'est mal expliqué dans le film. Léo, il va juste venir pour dire, c'est Snyder, pas de subtilité, Snyder. Non, mais il faut bien le signifier. De toute façon, après, sinon... On l'a compris, Léo, je pense. Est-ce que Batman se dit, est-ce que Batman est capable de dire, s'il y a 1% de chance que ce type soit mauvais, il faut l'éliminer? Ben, parce que c'est pas Batman, c'est le mec joué par Ben Affleck. Dans les comics, Batman, quand même, il est méfiant envers Superman et tous les autres. Il a quand même... Il agit jamais. Mais là, sa vision de Snyder, c'est qu'il prend les devants parce qu'il a déjà vu une catastrophe. Une catastrophe comme à la fin de Man of Steel, il a jamais... sont pas arrivés dans les comics. Monsieur Snyder, sa ville, elle est détruite dans tous les arcs. Depuis 4 ans, sa ville, tous les 6 numéros, elle est rasée. D'ailleurs, on sait même pas comment elle est reconstruite. Donc si, Batman, il en a vu. Hein. Pas par un nouveau super-héros. Superman, il le connaît dans les comics, il sait qu'il fait le bien. Alors que là, c'est un nouveau super-héros que personne ne connaît. C'est la première fois qu'on voit un être doué de pouvoir. Dans le film, je comprends pourquoi il fait ça. Surtout qu'il a quand même mal vécu certaines épreuves dans son passé avec Robin, dont on ne connaît pas grand-chose, mais on sait qu'il a mal vécu ça. D'ailleurs, à quoi ça sert de nous mettre ce putain de costume de Robin si c'est pour nous mettre exactement la même image dans le film et pas la développer? On a tout vu, tous les clins d'œil, ils étaient dans la bande-annonce. On a vu exactement ce que tu vois dans la bande-annonce. Moi, j'avais même pas vu. Hein. C'est la même durée dans le film. Sur l'épaule. Et après, t'as Snyder qui vient en interview quelques jours après la sortie du film, t'expliquer l'histoire du. Ah ouais, mais sauf que normalement, l'histoire est dans le film. C'est ridicule. Là, je suis d'accord, il y a des problèmes de cohésion. Si le mec a besoin de faire une interview toutes les demi-journées pour expliquer telle scène ou telle scène du film, c'est qu'il est passé à côté et qu'il a fait comme la merde. C'est comme te sortir une scène coupée deux jours après la sortie, alors que c'est une scène importante dans le film qu'ils auraient dû mettre. Mais oui, mais ça sera un DVD, tu sais, le truc pour faire du fric. Dans ce cas-là, ne la sort pas deux jours après la sortie du film. De toute façon, tant qu'à ce que ça dure 2h30, autant y aller à fond et faire en sorte que ça dure 2h30, mais qu'il y ait quelque chose qui est un peu de liant, quelque chose qui explique certaines scènes. Dans la première partie. Voilà, tu zigouilles une bonne partie de la première partie et tu mets des trucs un peu plus explicatifs. Surtout que, cette scène dure 40 secondes. Elle dure 40 secondes. Voilà, tu nous balances ça, même, je sais pas, toute fin du film, tu mets un écran noir et tu nous la balances juste avant le générique, je sais pas, ou tu trouves un moyen de l'insérer à un autre moment, parce que la séquence finale est quand même dégueulasse. T'as l'enterrement, ensuite on revient dans un flashback en prison, ensuite on retourne à l'enterrement. C'était répugnant. Mais néanmoins, à ce moment-là, t'as qu'à balancer tes 40 secondes en même temps. Parce que quitte à faire un montage dégueulasse, autant balancer ces 40 secondes n'importe quand, alors qu'elles sont importantes. Et de toute façon, c'est très simple. Il y a au moins 20 fins à la fin. Genre, il y a l'enterrement, il y a l'image sur le vitrail, il y a Lex Luthor qui, oui, qui est dans la prison. Voilà, ça donne au moins 3 fins. Et encore, il doit y en avoir d'autres. Mais je dois pas me souvenir de tout. Bah, il y a le dialogue avec Wonder Woman. Voilà, il y a encore moins subtil, ce qui est encore moins subtil que Zack Snyder, c'est un producteur de la Warner. Ça, de toute façon, les mecs sont là aussi pour que tant qu'à ce que ce soit long, contemplatif, pompeux et too much, autant y aller à fond. Et de toute façon, on va juste prendre 2 petites secondes pour respirer et je suis quand même super étonné parce qu'à 1 heure quand on a commencé, j'étais à peu près le seul à avoir détesté le film et vous étiez tous plutôt positifs et j'ai l'impression Moi, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui fonctionnaient pas. Non, c'était un mitigé, moyen bien. Je vous cite vous-même. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'on entend la pluie, ce qui ne va pas. Et vous n'avez pas fini d'ouvrir les yeux. Moi, je t'ai dit. Alors, il y a des moments, j'étais le seul contre Irish. Non, je trouve qu'on est. À part Léo, qui est vraiment. Je suis pas complètement contre. Il est pas contre le film. Oui, mais c'est un film de Snyder, donc, par définition, quand même. Je trouve que Irish, Elodie et moi, on est plutôt mitigés sur le film. Mais je suis plus je suis que aussi... vraiment de l'un ou de l'autre. Mais je suis aussi mitigé. Enfin, tu m'as vu à la sortie, Arnaud, de toute façon. Oui, en fait, t'étais beaucoup plus virulent que je l'étais à la sortie. Mais j'étais pas convaincu, mais pendant plusieurs jours, je me suis dit, est-ce que j'aime. Il y a des choses, tu vois, qui m'ont plu. Avec le recul, il y a des choses, voilà. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'aspects un peu négatifs. Et tout de suite, là, voilà, il y a des choses qui ne m'avaient pas plu dans Man of Steel, qui sont revenues puissance 1000 dans ce film, et qui, du coup, m'ont pas plu. Après, je suis vraiment, vraiment mitigé. Tu vois, il y a d'autres choses où je pourrais t'en parler en bien, on verra après, mais il y a d'autres choses qui m'ont pas trop plu. Là, il faut dire qu'on s'attarde pas mal sur les côtés négatifs. Donc, forcément. Allez-y, parlez des côtés positifs. Moi, j'ai la réponse à tout cela. Pour l'instant, il n'y a que des côtés négatifs. Moi, je voudrais juste repasser sur 2 choses négatives avant de passer au positif, parce que c'est quand même plaisant. Attends, on n'a plus que 2 des négatifs, toi ? J'en ai encore plus finis. Non, je pense qu'il y en a plus, mais les trucs qui m'ont marqué, parce qu'on parlait des séquences de rêve, mais moi, c'est de rêve de futur. Bref. Ouais, ouais. Moi, vraiment, le truc qui m'a marqué, c'est plus Flash et sa phrase mythique du Loli, c'est la clé. Ouais. Qui, pour moi, est inutile. Tu te dis, bon, limite, faut peut-être comprendre. Bah, c'est un moyen de donner l'intérêt au personnage, parce qu'à part la demoiselle en détresse, elle sert à rien. Donc, faut la dramatiser un peu, quoi. Bah, c'est juste que t'as compris toute l'intrigue du film et de. Justice League. Elle va crever. Superman va pas être content. Il va devenir méchant ou contrôlé par Darkseid. Et voilà, t'as Justice League. T'as une adaptation du jeu vidéo Injustice. Voilà. Le pire, c'est que peut-être même pas, parce que peut-être que ce qui s'est passé dans le film, ça a déjà annulé cette fameuse vision. Oui, peut-être. Ils sont capables de te le dire dans un film. Dans le film prochain, ils sont capables de dire que tout ce que t'as vu de la vision du futur, eh ben en fait non, parce que comme Superman est mort, il s'est sacrifié, etc., ben ça a un peu changé la timeline. Oui, il va revenir, on n'est pas du tout. Mais c'est pas Superman est mort, c'est Clark qui est mort, voilà, c'était le seul truc. La vraie personne qui est morte, c'est Clark, c'est tout. Non, c'est le personnage joué par Henry Cavill. Bref, c'est tout ça pour finir sur cette. Ouais, je disais, c'était aussi insupportable à la fin. Ils te font l'enterrement pendant 15 minutes, alors que. Je trouve que c'est une très belle. Hein. Bah non, moi je sais qui, mais on s'en fout, t'es compris, ça reste quand même très beau et tu sais. Ce que j'ai aimé justement avec la mort de Superman. Non, je suis pas obligé de teaser aussi longtemps, aller aussi loin. Laisse-moi le cercueil bouger. Laisse-moi parler. Ce que j'ai aimé dans cette fin, je suis d'accord, la dernière image n'aurait pas dû exister avec cette terre qui se lève, elle n'aurait pas dû exister. Ce que j'ai aimé dans cette séquence, c'est que Superman meurt. Mais je sais que dans les comics, Doomsday tue Superman, et pourtant ça m'a pas effleuré l'esprit. Et pourtant quand il saute sur Doomsday et qu'il lui plante la lance et que Doomsday fait de même, tu te dis non, ils vont pas aller au bout, ils vont pas le tuer. Finalement, si, il le tue. Mais tu te dis, c'est un film qui s'appelle Batman v Superman. Tu sais que Superman va être dans la Justice League, oui. Donc il va survivre. Tu te dis, on va avoir le cliché de tous les films de super-héros, c'est que tout le monde croit qu'il est mort pendant une demi-seconde et ensuite il ouvre les yeux, alors qu'ils l'ont toujours son corps dans les bras. Ouais, c'est tellement drôle qu'il ouvre les yeux et qu'il leur fasse un clin d'œil. il va au bout de son idée avec cette figure quand même christique qui meurt. C'est là, c'est il va au bout de son idée de la figure christique, puisque ah, bah, forcément c'est vrai qu'il peut pas aller plus au bout, hein. Le Christ doit mourir, et là, le Superman meurt, forcément. On a ce qui suit, on a une très belle séquence d'enterrement pluriel, puisque t'as l'enterrement de Superman et de Clark Kent. Hein. Et tu t'attends, tu sais qu'il va revenir, mais tu ne sais pas comment et qui va revenir. Est-ce que ça va être réellement le Superman qu'on connaît qui va revenir? Et comment il va revenir? Donc tu te poses la question. Et tu te dis, à quel moment du film il va revenir? Et j'aurais aimé que tu ne saches pas qu'il revienne jusqu'au prochain Justice League. Déjà sauf qu'il y a cette scène dégueulasse à la fin où tu vois la Terre bouger. C'est même pas, tu dis, il ressuscite et tu le vois ressusciter. C'est, tu vois de la Terre bouger. Tu fais chier, mec. Pourquoi de la Terre bouger? Parce que la musique et les percussions sont tellement forte à ce moment-là que ça fait même trembler la Terre. Bah voilà. Tu sais, mais le reste de si t'enlèves, t'isoles cette séquence, tout ce qui se passe avant, moi j'ai trouvé ça très beau. Mais bon, tu sais, par exemple, si je te prends un exemple, par exemple dans Inception à la toute fin avec la toupie, tu vois la toupie vaciller. Tu vois la toupie vaciller. C'est juste pour te montrer un exemple de teasing où après tu peux te dire bon voilà. Pas du teasing, mais c'est pas de suite. Hein? C'est pas du teasing, mais Inception, puisqu'il n'y a pas de suite. Avec cette fameuse toupie, il pourrait y avoir une suite, du coup. Voilà. Oui, non, c'est parce que c'est la toupie tourne éternellement et tu te poseras éternellement la question. Elle ne tourne pas éternellement, elle vacille à un moment. Du coup, tu te poses la question de savoir est-ce que c'est ton impression qu'elle vacille et elle va reprendre sa route et tourner normalement, ou est-ce qu'elle va vraiment tomber? Donc là, pour l'instant, la question, c'est de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc tu peux te demander si elle va tomber ou si elle va tourner éternellement. Et il n'y aura jamais la réponse. C'est à chacun de se trouver une réponse qui le satisfait. Dès que tu ne peux pas avoir vraiment une idée assez précise par rapport à ça. Mais je vois pas le rapport avec Superman. Oui, voilà. Bah, le rapport, c'est que là, il t'a fait tout 15 minutes pour te faire comprendre qu'il est mort, qu'on fait son enterrement, et à la fin, il ne te laisse même pas de doute là-dessus avec la Terre qui bouge. En te disant, bah non, il est pas mort. Mais ça, tu sais qu'il est pas mort. Bah, tu ne sais pas. Tu enfin, qu'il est mort, mais qu'il ressuscite en tout cas. Pour moi, il est mort et il ressuscite. Je sais parce que je connais l'univers, donc c'est pour ça. Je connais l'univers, je sais qu'il ne meurt pas. Et c'est pour ça que toute cette scène-là, elle m'a fait chier comme quelque chose qui allait de toute façon être effacé, qui allait de toute façon ne plus exister, parce qu'on sait qu'il... Je sais pas, si je te prends un exemple, c'est comme par exemple, je sais pas moi, au tennis, on joue un point, on sait que la balle est sortie avant, mais on continue à jouer, et pourtant on sait que ça va, tout ce qui est en train d'être joué là, ne comptera pas, parce que la balle est sortie. Donc voilà, c'est... Moi, je comprends pas, là. On va avancer un peu. Ouais. Moi, j'aimerais finir ce que j'ai commencé tout à l'heure. Vas-y, après, je ferai une charge contre cette scène de l'enterrement. Bref, bon, on va passer sur Flash parce que voilà. Ah, non, moi je vais finir sur l'enterrement. Finis sur l'enterrement, je te laisse finir sur ta deuxième chose qui va peut-être ouvrir autre chose, effectivement. Moi, je pense que je vais réagir. Moi, j'ai été surprise. Je ne connais pas les comics, je ne connais pas spécialement l'univers non plus. Donc voilà, pour moi, le truc, c'est qu'en même temps, ça ne m'a rien fait. Parce que pour moi, quand je vois cette lance dans Superman, je me dis, il va pas mourir. Moi, j'avais envie de pleurer quand j'ai vu prendre cette lance déjà. Ah bah pas moi. Et je me suis dit, oh putain, il va pas mourir. De pleurer de rage. Il va revenir. Oui, il est pas capable de voler normalement. Non mais le mec, il passe dans un nuage de poussière de kryptonite. Il est à deux doigts de la mort. Là, il va te prendre la lance. YOLO, je vole sur 200 mètres. Ouais, c'est vrai. Oui, non mais c'est con, il aurait dû demander à Wonder Woman. C'est la kryptonite pure qui est dans la main là, les gars. Puis surtout, il plante le truc dans Doomsday. Il tient bien genre 10 minutes à planter le truc dans Doomsday, et donc 10 minutes, c'est l'impression de la durée que t'as eue, hein. En vrai, ça dure pas si longtemps. Oui, non, ça, mais il reste deux plombes à avoir planté le truc dans le flanc de Doomsday. Doomsday qui met 5 minutes ensuite à réagir et qui ensuite prend le truc et met un point, tu vois, avec un petit gant dans le cœur de Superman. Tu dis bon, ok, mais ça dure deux plombes. Superman aurait pu aussi s'en relâcher quelque part, et puis aussi pourquoi est-ce qu'il prend ce truc de quelque part. Barré de Doomsday enlever la lance et puis il mourrait pas. Oui, enfin, il est Superman, il peut enlever ses bras et se barrer. Enfin, bref, de toute façon, voilà, cette mort. Hein. Personnellement, je m'y attendais pas, donc j'étais surprise et agréablement, je suis contente qu'ils aient osé faire ça et qu'en effet, il l'ait pas ressuscité juste derrière. Parce qu'au final, même si on voit je suis d'accord que l'exécution est débile, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne tombe pas dans le trope du super-héros qui se réveille 3 secondes et demie après. Moi aussi, je m'attendais à ça. Il l'a pas fait, c'est ça que j'ai aimé qu'il le fasse pas. Vous êtes sérieux là? Combien de temps il se passe entre ça, ouvrez les guillemets, mort, fermez les guillemets, et le moment où on voit la Terre bouger? Il se passe 10 minutes. C'est une des morts désamorcées le plus rapidement. Mais dans les autres films de super-héros, c'est au bout de 3 secondes et demie. Ah non. Sauf dans... Même Coulson, ils m'ont fait mourir plus longtemps. Non, mais Coulson, c'est particulier. Il devait pas revenir à la vie. Parce que Avengers 2, il particulièrement de mort, tu vois. Est-ce que tu crois que la mort de Superman, elle va avoir un autre rôle que celle de Coulson, à part celle de rassembler la Justice League? Ils ont prévu qu'il ressuscite et qu'il forme la Justice League. C'est dans leur plan. Coulson oui, et Agents of S.H.I.E.L.D., c'était pas dans leur plan. Moi, pour moi, Batman est au courant que Superman n'est pas mort. Il se sert de ça pour aller récupérer ses 7 samouraïs, là, comme dit Snyder, et faire sa Justice League. Je sais pas s'il est au courant. Bref, en tout cas, cette mort de Superman, moi, c'est un des moments qui tue l'iconisation des personnages et du support original des comics. L'enterrement de la mort dans ce film-là, l'enterrement, j'étais dégoûté. C'est l'enterrement le plus américain de l'histoire du cinéma. Mais pire que ça, j'avais un super-héros ultra américain. J'avais en tête image qui m'avait retourné quand j'avais lu La mort de Superman dans les comics, de Batman, Flash, Wonder Woman, je crois qu'il y avait Robin, Aquaman et Green Lantern, un truc comme ça, qui portait son cercueil. Et derrière, il y avait une centaine, peut-être même plus, de personnages de l'univers DC Comics qui suivaient tous ce cercueil, tête baissée. C'était une scène déchirante. Ouais, et là, ils passent à travers la foule et ils sont même pas foutus de te mettre un caméo pourquoi pas les personnages qui sont introduits qui ne serait-ce que regardent le cercueil passer. Rien, y a rien. Le mec il meurt. Ça aurait été d'ailleurs plus intelligent de le faire ça que comment ils ont fait. Ils auraient dû faire les dossiers avec le flash forward de. Ah oui, par exemple. Superman meurt, c'est pas un problème, mais pas à ce moment-là et pas pour être honoré par tous les autres héros. Et tout ça. Et même quand tu le tues maintenant. Comment tu pourras justifier que c'est... Comment tu pourras, dans les prochains, avoir peur pour sa vie? Je sais pas, avoir une sorte d'impression... Peur pour la vie de Superman ou n'importe quel personnage de comics, moi je jamais... Oui, mais imagine qu'il se bat contre quelqu'un de beaucoup plus fort, tu ne seras jamais en danger. Pour moi, l'enjeu, c'est pas la vie ou la mort des personnages, hein. c'est est-ce qu'ils vont réussir à empêcher la destruction du peuple ou du monde, ou voilà... qui vivent ou qui meurent, ça n'a jamais été un enjeu. C'est très bien qu'il revienne. C'est très bien qu'il revienne. Oui, tous les personnages reviennent à la vie dans les comics. Batman est mort. Dans les comics, c'est long, pas dans les comics. Oui, mais le film tire des comics. C'est une très surnature. Le film tire des comics et l'univers de DC tire vers une veine surnaturelle. Donc forcément, que tu sais que si un personnage meurt, il peut forcément revenir. Comparé au MCU, qui est une veine réaliste où aucun personnage ne peut revenir à la vie. Ah non, mais là tu t'avances, Arnaud. Il n'y a rien qui te permette de dire que le DCU, il part sur une hypothèse que le personnage peut mourir et revenir quand ils veulent. Bah, avec le surnaturel, si. C'est normal, on n'a rien vu encore du DCU. Voilà, exactement, sur naturel. Je veux bien que ce soit sur naturel. J'avais beaucoup trop. Ça veut pas dire que... On a vu Man of Steel et BVS, quoi. Bah, c'est déjà trop. Même Zod, il est mort, il n'est pas revenu. On va laisser Elodie finir ce qu'elle voulait dire. Attendez, j'ai un petit souci. Attends, j'ai une question, alors juste avant, enfin rapide. Concrètement, Superman, dans les comics, parce que je suis d'accord, je me souviens, moi j'ai encore l'image en tête de la fin du comics, la mort de Superman, où tu vois Doomsday qui porte un Superman avec la cape déchirée, tout ça, et marqué Superman est mort, enfin c'est vraiment brillant. Mais alors comment, parce que j'ai jamais lu la suite, comment est-ce que Superman revient à la vie après ça? C'est beaucoup trop long. Mais il y a une explication donnée dans les comics, ou alors juste... Il y a une explication. Les 7 boules de cristal. T'es pas loin de ça, hein. C'est une explication qui est un peu bancale et un peu, comment on dit, Deus Ex Machina, voilà. Dans tout le passage de la mort de Superman et World Without Superman, je crois que c'est ça le titre, et tout ce qui va amener à sa résurrection et tout ça, voilà. La résurrection en elle-même, elle est... Bon. D'accord. Mais il y a une explication, oui, mais bon, voilà, c'est pas... D'accord. Mais la mort en elle-même reste un moment hyper iconique, hyper choquant. Les funérailles de Superman, c'est un truc qui, moi en tout cas, m'a beaucoup marqué et qui là sont complètement désamorcés par cette espèce de ça manque de grandeur. T'as beau mettre tous les citoyens des Amériques qui assistent à cet enterrement, ça ne vaudra jamais ces amis super-héros et tous les personnages derrière de l'univers DC qui suivent le cercueil. Clairement, d'accord. Après, ouais, c'est que mon avis. Du coup, ce moment iconique là, il est un peu perdu parce qu'il est dans 2-3 films, il décide de le tuer, ça personne va y croire, hein. On va dire oh ça va, il est déjà revenu une fois. Hein. Non mais là c'est foutu. Pour le coup, la mort de Superman c'est foutu. Batman c'est foutu, Superman c'est foutu aussi, enfin tout, il y a plein de trucs de foutu. Relever la Terre 2 secondes, de toute façon c'est la même chose que ramener Superman dans la foulée, tu vois. Enfin, c'est pareil. Dire qu'il est pas mort. Voilà. S'il aurait vu passer le point à travers le cercueil, c'était la même chose. Oui, voilà, c'est complètement ça. Bah ouais. Est-ce que Elodie, tu es prête? Oui. Vas-y alors. Vous parlez de la deuxième chose qui m'a Ouais, énervée? ouais. Allez, C'est vas-y. cette fameuse scène avec Batman et sa Batmobile que j'ai trouvée ridicule, mais alors vraiment Tu veux dire ridicule. celle où il se comporte comme un terroriste et où il tue tout le monde? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Mais c'est pas vraiment ce qui m'a dérangé, moi, c'est plus dans l'exécution, tu vois. Ah Et bah oui. alors, en particulier, moi, à la fin où la voiture limite vole pour passer dans l'eau et tout ça, alors là, j'ai trouvé Mais c'est ça. ridicule, ça en plein. Tout le monde, quelqu'un passe à côté, tout le monde voit la Batmobile rentrer dans la Batcave et voit le manoir Wayne juste à côté. Mais t'es Oui, con ou non, quoi comme mais c'est mec? pas subtil, hein, ça, c'est Hein? coucou, c'est la C'est blague de Batman. le mot de la soirée, subtil. Ouais, mais tu parles de la scène de la Oui. voiture, c'est quand même aussi... bon, il y a quand même quelque chose de positif, c'est que au moment lorsqu'il tourne, il prend le virage et là t'as Superman il est en plein milieu de la de en plein milieu de la voie qui l'attend, c'est et là t'as ce champ contre champ entre les deux visages, comment ils se regardent et bah moi j'ai bien aimé ça, cette partie. Ouais, Bon, rigole. après... Ouais, non, Il c'était m'en fout. dégueulasse. Ouais. Avec la voiture qui pivote et Superman qui attend là comme un con en plein milieu, non, c'était dégueulasse. Ouais. Mais voilà, c'est C'est pour vrai. moi Batman assassin. D'où Batman est un assassin? Bah, dans ce Ah, film, merde. alors je suis d'accord avec toi, c'est pas le Batman que l'on connaît dans les comics, c'est pas le Batman que j'aime, mais Bah, si tu le prends dans le film en lui-même, si tu l'extrais des comics, si tu prends le film pour ce qu'il est en tant que film, ça fonctionne dans cet univers-là. Après, on adhère ou on adhère pas. Je suis d'accord que sinon, c'est pas le Batman que je veux voir. t'as pas Mais le c'est droit. exactement le même problème avec Superman dans Man of Steel, hein, je suis désolée. Non mais c'est voilà, bah, mais voilà, Superman non plus, pour moi n'est pas dans le film, mais et Batman, mais c'est un scandale. Bah, D'où tu peux ça m'a pas fait justifier? rager comme ça, mais. Mais Ça fait d'ailleurs, 60, ça fait 76 ans maintenant, en 1940, dans Batman numéro 1, que Batman a décidé de ne pas tuer le Joker, mais de le laisser vivre, quitte à ce qu'il revienne, et c'est pas grave. Il y a 75 ans de putain d'histoire sur ce personnage, c'est son code moral, c'est le truc, Batman ne tue pas. Dans The Dark Knight Returns, il tue pas. Non. Non. Je crois pas, Non. moi. Ils insistent pas Il vraiment sur le semblait fait avoir qu'il une tue, vision mais il tue différente. pas. Au Au contraire. Une contraire. case sur 150 ou 200 pages, sur 150 peut-être, de Dark Knight Returns, t'as une case qui est peut-être un peu ambiguë, où tu te demandes s'il a pas tué quelqu'un, mais c'est jamais explicitement dit. Et bah tiens, d'ailleurs, j'ai pris exprès Dark Knight Returns, parce que je savais que ça allait venir à un moment ou à un autre, et 4 ou 5 pages après, quand même, voilà ce que dit Batman, hein, il dit... Il y a une seule solution qui est un sens à mes yeux, appuyer sur la détente et le rayer de la surface de la Terre. Ça implique de franchir une limite que je me suis fixée il y a 30 ans. Mais je ne trouve pas une seule raison de le laisser vivre, sauf, et après il continue et finalement il le laisse vivre. C'est Justement, Miller qui dit ça. Miller, le mec derrière lequel Snyder se cache. voilà, pour ajouter un truc d'ailleurs, à la fin de Dark Knight Returns, je spoil, hein, Dark Knight Returns, Bon, attention, vas-y. bon, voilà, au cas où, à la fin, quand même, c'est quand même un combat entre un vieux Joker et un vieux Batman, et t'as le Joker et Batman qui sont à moitié morts, là, sur le sol, et il lui dit, tue-moi, et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, et Batman lui dit non, justement à cause de ce code, et le Joker lui dit, tu me déçois beaucoup, et il se tord le cou lui-même, et il se suicide. Ouais. Enfin, même jusque-là, Batman ne tue pas. D'ailleurs, il y a aussi même dans la série animée, ils ont respecté ça. Il y a un épisode de la série animée où, alors, je me rappelle plus très bien du contexte, mais il y a un ennemi qui passe et on a l'impression que c'est Batman qui tire et qui le tue. Sauf que il y a une ambiguïté comme quoi, je crois, Batman était contrôlé par quelque chose, par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre. Et du coup, voilà. Et alors, juste après, Batman se rend compte qu'il a apparemment tué quelqu'un. Et là, il tombe dans une rage un petit peu contenue et il s'en va. Et t'as tous les autres personnages qui lui font Clark, c'est pas toi, c'était pas ta faute. Pardon, Bruce, c'était Bruce. pas ta faute. Voilà, enfin, ça a toujours été maintenu comme ça. Voilà, c'est pour Et ajouter à pour ce que. j'ai encore deux choses sur le fameux Dark Knight Returns de Miller, parce que quand même Snyder, il s'est quand même planqué derrière ça pour justifier que son Oui. personnage tue. Mec, t'aurais dû peut-être le lire avant, hein, Ah. parce que juste après, dans ce fameux combat contre le Joker, il y a encore une phrase qui dit: une arme à feu est une arme de lâche, une arme de menteur. C'est Batman qui dit ça, écrit par Frank Miller, ok? Et tout à la fin, tu as Batman qui brise une arme à feu, une mitraillette, une carabine, un fusil, je sais pas quoi, et qui dit c'est ça l'arme de l'ennemi, nous n'en avons pas besoin, nous ne l'emploierons pas. Il le dit trois fois dans cette fameuse œuvre où soi-disant c'est censé justifier que Batman est un assassin. Et bien il y a un moment, avant d'adapter un comics, il faut les lire. Je posais juste la question parce que justement j'ai pas lu le. Oui, non, mais c'était pas le Batman Returns et c'est souvent l'image qu'on en a, surtout par Alors, rapport oui, au Frank Miller. Oui, mais... il est extrême dans Dark Knight Returns. Il est extrême, il est ultra violent, il est hyper borderline. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va y avoir l'affrontement au Superman. À un moment, il va lui dire écoute, mec, il va falloir que tu te calmes, parce que si tu te calmes pas, on va me demander de te calmer. Et c'est ça qui va amener effectivement derrière l'affrontement, voilà. Mais c'est pas le Batman n'est pas un meurtrier. Il est et même chez Frank Miller dans Dark Knight Returns, voilà, il ne marque pas ses ennemis au fer rouge. Mais c'est quoi ça? Ah oui, c'est sorti. Tant qu'à faire un Batman sombre et tout ça, la gueule de Ben Affleck suffisait largement. On avait déjà compris que c'était un mec qui était torturé, qui avait 20 ans d'expérience derrière lui, qui avait déjà Robin, tout ça. Voilà, il y avait déjà ça, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Et le seul Batman qui semble tuer, ou en tout cas qui semble pas franchir les limites, c'est Thomas Wayne dans la version Flashpoint, c'est tout. Enfin, il n'y a pas d'autres Batman qui comme ça marquent autant ses ennemis. Et surtout, et c'est là qu'encore on a une vraie dissociation entre la manière dont joue Ben Affleck Batman et le Batman. Parce que quand c'est Batman, on dirait juste un psychopathe qui est capable de tuer tout ce qui bouge, voilà, qui ressent rien, qui marque au fer rouge, et ensuite tu as Ben Affleck en version Bruce Wayne, et là tu vois quelque chose de complètement différent. Tu vois un mec qui certes a l'air d'être marqué, a l'air d'être un peu traumatisé, mais qui laisse pas transparaître que c'est un mec ultra violent une fois qu'il met un masque. Il y a une vraie dichotomie de ce point de vue-là. Gros gros problème vis-à-vis de Batman. Et même si Batman tue une fois, oui, Batman tue en 1939, avant que la série Batman soit lancée et avant qu'ils aient vraiment décidé de ce qu'il allait devenir. Et il y a peut-être des séries, des histoires dans lesquelles il tue, mais un personnage de 75 ans d'histoire, il se définit pas par ses exceptions, il se définit par le code qui s'est fixé et qu'il a suivi pendant 75 ans. Et là, ça va complètement à l'encontre. Pour moi, c'est pas Batman. Il n'y a pas non plus une ultra justification à chaque fois qu'il tue. Ah, hein. Il n'y en a pas. C'est vraiment oui, ça, c'est dérangeant. Il ne cherche même pas un autre moyen de faire. Il n'en a rien à foutre. Surtout, c'est pas comme Clark qui, enfin Superman qui tue dans le premier où effectivement tu le disais, il est acculé, il a plus le choix et machin. Là, il y a peut-être 1000 autres solutions de le faire. Mais non, il tue. Non. Il met des flingues sur son Batwing, sa Batmobile, c'est une arme de guerre aussi. Enfin voilà. Après moi je l'ai vu, je suis d'accord avec tout ce que vous dites et j'ai pas apprécié non plus ce Batman parce que c'est pas celui que je lis dans les comics, même si je trouve que dans le ton du film ça fonctionne, ça m'a pas fait rager, mais c'est aussi que je l'ai compris comme ça moi, c'est que c'est un Batman et un Bruce Wayne qui a vécu énormément d'épreuves, qui en a bavé pendant 20 ans avec ses parents, plein de choses et la mort de Robin, et il se justifie comme ça en disant qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est de la vermine en gros, et que la vermine, bah, on l'extermine. Je vous propose d'avancer un petit peu histoire qu'on soit pas aussi long que le film. Je voudrais juste qu'on parle aussi de la clé USB. Oh. Quand même. C'est maladroit. Moi, j'ai fait mon fanboy au moment où tu vois les images pour la première fois dans un film Aquaman. Moi, mon cœur de fanboy a sauté. Attends, t'as aimé le passage d'Aquaman? Mais c'était le plus ridicule, hein, faut le dire. Mais le mec, mais j'ai cru qu'il allait se noyer. J'ai cru qu'il allait se noyer. Moi, j'ai peur de quoi? Je suis comme. J'avais peur de l'acteur et de la dire qu'il m'a convaincu non, puisqu'on voit 3 secondes. Mais il m'a pas fait hurler à me dire non, c'est... Alors, c'est moi, j'ai eu deux problèmes, mais c'est pas des problèmes qui viennent de Jason Momoa. Le premier, c'est que ça m'inquiète, quand on se lance dans un film Aquaman, ça m'inquiète de pas être capable de filmer un mec sous l'eau sans qu'il ait les cheveux dans la bouche. Et surtout que tu vois qu'il retient sa respiration. Et en plus que ça m'a dérangé. Et voilà, tu vois qu'il est à deux doigts de l'asphyxie là. Mais en plus ses cheveux quoi, qui lui reviennent tous dans la gueule, dans la bouffe. Enfin, c'est visuellement c'est moche. Ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé. Moi j'ai eu de la peine pour Aquaman. Et pour moi ça le ridiculise. J'ai fait mon fanboy aussi, tout comme Arnaud. Mais ce qui m'a vraiment vraiment gêné après, c'est le fait que les logos, ils sont déjà définis. Ils n'ont même pas de nom de super-héros. Non mais exactement, c'est débile ça. De se créer leur logo. Non mais de toute façon, la manière dont ils ont amené ça, c'était maladroit du début à la fin. C'est ridicule. Normalement, Flash, il va dire, bon bah je vais choisir l'éclair machin. Mais parce que ça fait partie d'eux, comme Batman. On sait pas. Non, mais. Bah, personne ne les connaît, ces mecs-là, donc comment ils peuvent avoir un logo? Donc comment ils peuvent avoir l'ego? Batman, il a choisi la chauve-souris pour le définir. On sait pas. Bah si, bah, quand même, on le saurait. Non. Même Cyborg, tu vois juste qu'il n'existe pas encore. Donc pour comment ça se fait qu'ils ont déjà tous des logos, c'est déjà bien agencé, et en gros c'est comme s'il dit, bah tiens, je te mets la Justice League, tu peux les faire, les mecs. Tu sais, il aurait appelé son dossier Justice League, Lex Luthor, ça aurait pas été exactement. C'est exactement tant qu'à ça. Faire, on est plein une connerie près. Hein. Snyder, c'est une connerie, mais quand tu veux quand même créer les personnages. Mais... Je veux bien, on n'est pas obligé de faire comme Marvel et de faire un film pour tout le monde, mais quand même, il faut quand même que tes personnages aient une genèse un peu cohérente. Là, ça sentait le passage obligé. Il fallait les introduire, donc on les a tous introduits. Oui, c'est là du sens derrière le Warner qui te dit bon, faut que tu fasses quelque chose là, parce qu'il faut que tu nous montres les trois en même temps. T'as l'impression qu'on feuillette un catalogue en fait. Non, mais je trouve que l'introduction. L'introduction est maladroite. Hein. C'est très non, maladroite. Moi, je suis que... on va écouter Elodie qui va expliquer pourquoi elle dit que c'est bien, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un qui voulait dire du bien. Je dis pas que c'est bien, tu vois, mais je trouve que comme introduction, voilà, les voir, ils ont des fichiers, on connaît pas leur histoire, donc c'est vraiment une introduction et c'est... Honnêtement, ça me suffit, il faut pas qu'il y ait plus. Donc, c'est pour ça que le truc de Flash, moi, ça, je reviens encore à ça, mais ce truc du futur, je trouve ça horrible. Mais voilà, juste les voir sur des fichiers pour les introduire pour plus tard, surtout que bon, bah voilà, on comprend à la fin qu'il veut montrer, sa Justice League. Voilà. Bah ça passe. Après voilà, en soi, moi, c'est surtout Aquaman que j'ai trouvé ridicule, les autres passent plutôt bien, donc voilà, mais. Non, je sais pas, j'ai pas trouvé ça. Ezra Miller, il est arrivé sur le lieu de tournage, il était en t-shirt, il était coiffé comme s'il venait de se réveiller. Ils ont même pas pris le soin de le maquiller ou quoi que ce soit, de lui finir un costume. Ils l'ont foutu dans une supermette et voilà quoi. L'intérêt de la scène avec Flash, enfin en tout cas avec Barry, c'est de te faire comprendre qu'il y a plusieurs temporalités qui se jouent, parce que après tu le vois en costume venir du futur. Tu te dis qu'il vient du futur dans le rêve. Je me souviens plus. En tout cas, tu te poses. Il est arrivé trop tôt. Qui pose la question de la temporalité, et du coup tu te dis que dans ce présent-là, où les deux super-héros se battent et qu'on voit cette vidéo, Barry n'est pas encore Flash, et ça pose juste cette question de temporalité, c'était juste un moyen d'amener ça. Après qu'il ait l'air hippie, comme dirait Léo ou quoi, ça m'a dérangé. Bah ouais, pourquoi il est pas en sortie du film, Flash? Ah oui, non, mais pendant le film, juste après cette scène-là, tu m'as dit c'est quoi ce putain de hippie? On dirait Gambit, t'aurais pu croire que c'est Gambit. Non, mais après, Flash, il avait déjà eu son apparition qui était beaucoup plus fine que cette caméra de surveillance. Il avait peut-être pas besoin de faire partie du catalogue. Ça aurait rendu la chose peut-être plus... Et le problème, c'est que j'ai vu plein de commentaires sur Internet, c'est que plein de gens n'ont pas reconnu Flash dans la vision. Tu m'étonnes. Dans la vision, à la rigueur, oui, parce qu'il a un costume très particulier, du futur, très Injustice, voilà, limite armure et tout. On peut le comprendre. Ouais, il y a plein de gens qui n'avaient pas compris qui c'était. On peut le comprendre. Mais c'est vrai qu'on comprenne pas, je trouve. C'est pas grave si on comprend pas et qu'on le reconnaît. Pas. Au contraire, ça rend le caméo un peu plus subtil. Mais il n'est pas subtil, donc... On n'est pas obligé de pré-mâcher tout et de mettre un logo alors que le mec, il n'existe même pas, quoi. Non, le coup des logos, c'était débile. Mais moi, cette scène-là, aussi maladroite soit-elle, ça m'a fait bondir mon petit cœur de fanboy. Oh là là, ça l'a brisé. C'est après que moi je me suis dit, ouais, bon, par contre, les logos c'est un peu n'importe quoi. Hein, et après, tu réfléchis, tu dis, bon, ça a aidé maladroitement Wonder Woman qui trouve un fichier avec tous les logos. La seule qui pour laquelle c'est justifié qu'elle apparaisse justement dans ce fameux fichier, c'est Wonder Woman parce que c'est la photo que l'ex qui la recherche. Hein. Voilà, ok. Mais après, Aquaman, il y a quand même une scène qui se passe en pleine mer autour d'une île, et c'est là, moi, je pensais que j'allais le voir. Hein. Oui, quand il récupère la kryptonite. Bah ouais, je me disais, putain, c'est là qu'il faut. Je m'attendais aussi à le voir. Hein. Deuxième moment, t'as quand même Lois. Moi, juste des yeux, quoi, ou quelque chose. Deuxième moment, t'as Lois qui est en train de se noyer dans un truc qui est quand même relié à la mer aussi. Pourquoi il arrive pas? Non, il n'y a pas d'accès à la mer, là, puisque c'était dans un bâtiment. Non, pour moi, si, c'est un truc souterrain, c'est une nappe, enfin, il y a quelque chose, ils sont à côté de la baie et tout, pour moi, c'était relié, et il y avait moyen que... c'est une canalisation qui a pété. Bref, en tout cas, ce qui est possible, vu les dégâts dans la ville. En tout cas, voilà, ce passage autour de l'île, etc., où tu vois les fonds marins, etc., aurait été drôlement plus intelligente et plus belle que ça. Et ça, pareil pour Flash, on l'avait déjà vu. Et bah oui, surtout que ça aurait pu se justifier par le fait que t'as une giga énorme menace qui était Doomsday, et qui, voilà, même si ça avait fait juste une apparition comme ça rapidement, comme tu dis, pour sauver Lois et après bon se mêler genre 2-3 secondes au combat et après repartir, tu peux comprendre que il arrivait juste parce que c'était une potentielle menace très dangereuse pour la Terre. Et le fait que c'est bien de quand tu fais un film Batman vs Superman où tu as tout presque tous ces gens-là, en gros les trois Batman, Superman, Wonder Woman. Pourquoi tu utilises les autres de cette façon-là? Tu peux les faire participer même s'ils font qu'un clin d'œil, mais au lieu d'un caméo, avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Par exemple, quand même, les mecs qui vont chercher la kryptonite, ils sont quand même en train de s'en prendre, je sais pas si c'est un banc de corail ou je sais pas, je me rappelle plus, voilà, ça fait ouais, je me rappelle plus exactement de. Ouais, ils sont quand même en train quelque part d'attaquer un peu la faune et la flore, voilà, de l'endroit. Enfin, et c'est là que Aquaman aussi, j'ai envie de le voir, moi. Surtout quand tu vois le bleu de la mer, le bleu de l'océan, là. Ça aurait été le moyen de le montrer en couleur, t'imagines? Oui, parce qu'en soi, Aquaman, vu le tempérament de Snyder, Aquaman, dans ce film, enfin dans son univers, on a strictement rien à foutre de la surface. Aquaman, ça va être un putain de meurtrier aussi. Hein. Ça me surprendrait pas qu'il n'en ait strictement rien à battre de la surface. Ou voir qu'il attaque. Oui, c'est vrai. Oui, ou qu'il attaque, oui. Bon, après, ce qui serait pas. Voilà, les Atlantes ont aussi plusieurs fois attaqué. Voilà, pas forcément Aquaman, mais les Atlantes. Ah, tiens, Et puis juste pour finir sur cette clé USB quand même, voilà, sachez que si vous voulez quand même les secrets les mieux gardés de LetzCorp, il suffit d'aller à côté de la cuisine. Et en plus tu te fais surprendre par l'assistant de Lex Luthor qui te dit rien du tout. C'est pas grave, vas-y, serre-toi mon gars, t'es dans le temps. Ça va parce que c'était volontaire. Il voulait que Batman, que Bruce Wayne et les infos de Lex. Donc voilà, à côté de la cuisine, en bas de l'escalier, gardé par personne, tout va bien. La porte ouverte. Il a même pas fait un effort. Ah bah non, il a branché son truc, il s'est barré. Mais bah tiens, d'ailleurs, on a pas. Je sais pas si tu comprends, c'est prévu. On n'a pas parlé de Martha. Ah bah si, bah c'était une des prochaines choses que je voulais aborder, Martha. Ah, rigolo. Martha. Et après, il y aura Alfred aussi. Oui, on pourra parler d'Alfred, mais Martha. Martha, parce que le mec, c'est le beau moment. Si on avait su que la survie du monde serait due au prénom de la mère de Batman et Superman, quand même. C'est lui qui lui dit tu connais Martha, fallait lui dire, le dire plus tôt. Mais, tant qu'à faire. Allez, Bodo, fallait lui dire que ta mère s'appelait Martha. Tu connais Jean-Jacques aussi. Tant qu'à faire. BFF. Tant qu'à faire, tant qu'à ce que ce soit pas subtil, autant aussi ajouter un complexe de. Bah oui. Mais non, mais il là. Il manquait rien que ça, tu vois. Ouais. Il avait coché toutes les cases du too much, et maintenant il lui manquait le complexe de Deep. Donc comme il avait pas bien compris. Martha. Comme il avait pas bien compris, il fallait que Loïs vienne lui dire c'est sa mère. Ah oui, en plus, Loïs. Non, le mère, si ça se trouve, c'est la même. Hein. Surtout quand. Inconsciemment, je l'ai vu venir en fait, parce qu'en permanence, il te montre Martha sur la pierre tombale. Clark parle de sa mère en disant Martha. Enfin, le prénom, il revient vachement souvent, que ce soit visuellement ou à l'oreille. Et je me suis pas rendu compte comme ça que, parce que c'était tellement débile que je pouvais même pas imaginer une seconde que même dans ce film-là, ils allaient arriver là. Et en fait, si. J'ai même cru à un moment. J'ai pas fait gaffe, mais c'était. J'ai même cru à un moment que l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, hein? Surtout qu'ils sont deux à avoir écrit le scénario. Mm-hmm. À quel moment, il n'y en a pas un qui a dit, mais mec, t'écris de la merde là. En fait, inconsciemment. Et même la Warner, il n'y a personne qui leur a dit, mais vous nous prenez pour. Bah non, mais ils les ont applaudis. Inconsciemment, j'ai percuté ça, sans m'en rendre compte. Et c'est après, une fois que je l'ai vu, j'ai dit, bah oui, de toute façon, on ne l'a montré pendant tout le film. C'est que quand ils ont montré dans le caveau familial des Wayne, il y avait le prénom Martha qui était bien en lumière, etc. Et puis quelques minutes avant, on avait entendu le prénom prononcé par Clark, je crois. Et c'est là, je me suis dit, et je m'en étais jamais rendu compte, hein. Ah ouais, en fait, leur mère, elles ont le même prénom. Je suis passé à autre chose. Et moi, je savais pas qu'elle s'appelait Martha, la mère de. Martha Wayne et Martha Kent. Batman. Ah ouais, j'avais jamais remarqué non plus. C'est vraiment Martha quand Kent, tu dis. Ça, je Martha, savais, Martha, mais alors. Non, putain, c'est vrai. Ils sont cons, quoi. Du coup, quelque part, ils avaient réussi l'effet de la pseudo-stupidité en me faisant éveiller la question. Où je me suis à ce moment-là rendu compte qu'effectivement, ça fait 75 ans qu'ils avaient la même mère et je m'étais jamais rendu compte. Enfin, le même prénom. Et mais par contre derrière, voilà, fallait peut-être pas s'en servir. Et voilà. c'est sympa de le remarquer, mais tu peux passer à autre chose. J'ai cru que lorsque par exemple, lorsque Batman il sauve la mère de Superman, j'ai cru qu'il allait dire oh bah tiens, ma mère s'appelait aussi Martha, mais il lui dit un truc genre oh, vous inquiétez pas, je suis un ami de votre fils. Bah ça va, il y a 10 minutes t'allais l'embrocher le cœur. non, mais c'est ridicule. Mais ah, ta mère s'appelle Martha comme la mienne, t'es humain aussi finalement. Mais comment le mec super puissant déjà, il va laisser à Batman d'aller sauver sa mère pour aller il dit bon, alors qu'il vient d'essayer de le tuer pendant 10 minutes. C'est pas grave, ils ont eu cet instant les yeux dans les yeux à se dire Martha, et là ils ont compris. C'est voilà. Là que Zack Snyder a pensé qu'il faisait un bon film. C'est là qu'il a pensé qu'il était un bon cinéaste. Ah bah là il s'est dit ça y est, j'ai ma scène clé. Et du coup voilà, j'avais ma scène culte. C'est la scène à Oscar là. Là il aura demandé de jouer à leur maximum. Il a dit Henri Cavill, fronce un peu plus les sourcils, tu seras magnifique dans le film. Vas-y, Ben, c'est ton moment de briller. Tu sais qu'on va accélérer encore, il me reste 3 trucs à voir avant de finir. J'aimerais vraiment pas qu'on dure plus de 2 heures et on s'en approche dangereusement. On parlait d'Alfred, donc allons-y sur Alfred. Moi, je l'ai plutôt bien aimé, parce que c'est Frank Miller qui a écrit ses dialogues, donc c'est plutôt pas mal. On le voit pas beaucoup, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt... Parce que la blague de la cave à vin, la blague de la descendance, tout ça, c'est dans Dark Knight Returns, voilà. Donc, d'accord. Et c'est surtout un bon dialoguiste, quoi. C'est un Alfred différent de ceux qu'on a vus avant. Mmh. Et là, c'est le premier Alfred où il y a vraiment, où on se rappelle qu'il a un passé militaire. Bah, il a un passé militaire que sur dans Earthswan, hein, pas le Alfred classique. Hein. Ah ouais. Ah non, il est pas. Puis dans Gotham aussi. Mais dans après, c'est pas grave. Tu peux puiser dans plein de sources. C'est pas une adaptation de Dark Knight. Il a même inventé des sources, alors il y a pas de problème. Mais dans le sens. Du coup, j'ai bien apprécié ça. Mais là, tu sens que c'est un Alfred qui pourrait à la limite aller se battre aux côtés de Bruce Wayne, quoi. Après, moi, il m'a quand même un peu gêné dans cette espèce de jubilation qu'il a quand il prend les commandes du drone, là. Oui, voilà, mais justement, c'est un Alfred un peu jeune. Moi, j'ai trouvé que Jeremy Irons, c'était très bien, mais bon, c'est parce que c'est aussi Jeremy Irons, c'est quand même un très grand acteur, mais je trouvais que, limite, s'ils avaient un chouïa plus accentué sur Alfred, il aurait limite fait de l'ombre à Bruce Wayne, parce que la confrontation des deux acteurs, là encore, avec la distanciation que tu as entre personnage et acteur, ça aurait pu... voilà, enfin, t'aurais vu un Jeremy Irons trop grand pour le rôle, quoi. À un moment, quand Alfred lui fait cette vanne là sur la cave à vin, sur sa descendance et tout ça et machin, je me suis dit en fait Alfred, ça va être un peu nous là, c'est lui qui va se mettre à dézinguer tout le monde, à balancer des punchlines et à tous leur rappeler qui ils sont, c'est-à-dire rien du tout. Voilà, il a un peu cette espèce de conscience de nous-mêmes j'aurais aimé leur parler comme ça. Moi j'ai l'impression qu'il subissait un peu les décisions de Bruce Wayne, de Batman. Il n'avait pas vraiment. Il ne se privait pas pour le dire. Il ne se privait pas pour le dire. Oui, il ne se privait pas pour le dire, mais tu sentais que son avis n'avait pas vraiment d'importance aux yeux de Bruce Wayne. Qu'une fois Bruce Wayne a décidé, il va falloir éliminer Superman, ou il va falloir, je sais pas, faire ci ou ça. Il avait juste ses punchlines pour dire tu diras pas que je t'ai pas prévenu. Et c'était tout. Bah, de toute façon, le personnage joué par Ben Affleck, c'est un extrémiste, donc tu vas pas le faire changer d'avis. Hein. Ouais. Tu as évoqué qui Alfred, ouais, c'est ça. Moi, je voulais juste parler de l'espèce. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme une agression vis-à-vis de moi-même. Jimmy Olsen. Le personnage réclamé par les fans, les fans ont regretté qu'il soit pas au moins apparu dans un clin d'œil à Man of Steel et tout ça. Et on sentait bien que Snyder avait envie de répondre à tout ça. On lui a reproché que Superman avait tué. Et Batman, ça va être un assassin de masse. Et on s'est plaint qu'on n'avait pas Jimmy Olsen. Bah regardez, vous allez la voir et je vais le buter en 30 secondes chrono sans même dire ça. Ça s'appelle faire un doigt d'honneur. Bah, carrément, un énorme doigt d'honneur. Il vous a chié dessus. Ah bon, pour préciser, pour les gens qui n'auraient peut-être pas lu, c'est le premier mort dans la première séquence du film. Là encore, et Zack Snyder l'a expliqué, il dit on n'avait pas de place pour Jimmy Olsen dans notre panthéon de personnages, mais ça veut pas dire qu'on peut s'amuser avec putain, lui, non. Mais tu ne le tues pas, putain, tu le mets pas dans ton film. Putain de mépris, quoi. Il pouvait juste ne pas le mettre là, ou dire il est en reportage, il fait un grand reportage, il est hors de la ville. Le mot choisi, c'est le mot s'amuser. Moi, oui. ça m'a ulcéré quand j'ai lu ça. Voilà, ouais, mais le problème c'est que. Zack Snyder, j'ai fait aussi mon propre panthéon, connard. Avec l'écriture de Loïs que t'as là, elle allait faire double emploi avec lui, quoi. Parce que Loïs, à la fois, peut-être presque sa meilleure amie et son. Bah, déjà rien à faire, reporter, Loïs. Son reporter officiel, donc tu te rends compte que Timmy Olsen, t'as pas vraiment besoin. Je sais pas si vous voyez ce que de là, à le ramener, le buter comme ça, c'était pas non plus. Les deux cohabitent dans les comics, les deux cohabitent dans l'esprit des fans. Enfin, est-ce que Loïs a la même. Loïs a tous ses emplois-là dans les comics et elle fait tout ce qu'elle fait dans. Ouais. Ah bah oui. Sauf qu'elle est intelligente dans les comics. Ça, on peut pas trop en demander, hein. Juste par rapport à ces attentes qu'on peut avoir quand on va voir le film. Jimmy Olsen, trahison, Batman, tout ça, voilà. Il y a juste dans le tout début, dans cette fameuse scène que j'ai appréciée dans la destruction de Metropolis, quand Bruce Wayne sauve la petite fille, j'ai eu un moment où je m'attendais tellement à ce qu'elle dise qu'elle s'appelle Carrie. Non mais à tous les coups, c'est Jenna Malone, c'est elle adulte, à tous les coups. Peut-être, mais je m'attendais tellement à ce qu'elle se présente en tant que Carrie et que Batman, enfin que Bruce avait sauvé Carrie Kelly, quoi. Et là, du coup, on partait dans quelque chose d'hyper intéressant, sans que ça soit évoqué et qu'on nous le prémâche, et voilà. Et bon, non, elle a pas dit son nom, mais peut-être ça sera dans la version longue. Puisque Jimmy Olsen apparemment le dit son nom dans la version longue avant de mourir. Je vais pas la voir, moi, cette version longue. Je le vois pas deux fois. Moi non plus. Déjà 2h30 c'était long, alors 3h. Stop. Je pense que je vais me les faire. Tu nous diras. Je te dirai quel moment regarder dans le film pour voir les scènes. Allez, l'ensemble. Ouais, voilà, vas-y. Moi j'allais conclure, ça serait bien. Dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de défauts dans ce film, mais voilà, je trouve que grosso modo, c'est quand même un film de super-héros divertissant. Je sais, il y en a qui vont tiquer sur ce mot. Je suis d'accord avec Elodie. Ouais, ça fait le boulot de divertissement. Après, de là, dire que c'est un grand film culte d'ici, non, je pense pas. Mais je suis d'accord, et justement... C'est déprimant, oui, mais c'est pas divertissant. Et y a un gros défaut, c'est que ça manque énormément d'humour, et c'est bien pour ça que je crois que je préfère les Marvel. Mais d'ici... c'est l'argument qui m'énerve, c'est l'argument qui revient dans tous les films. Bah non, pourquoi même ça manque du tout, je suis désolée. Il n'y a pas du tout, c'est pas aussi bien qu'un Marvel. Mais j'ai dit je préfère Marvel pour ça. Oui, non, mais c'est pas toi qui le dis, mais il y en a plein qui disent ça. Mais juste de dire, il n'y a pas d'humour. Mais à quel moment t'as dit qu'un film de super-héros devait forcément avoir de l'humour? Non mais moi j'ai dit juste que ça manquait, j'aurais préféré voir plus de touches d'humour ou un peu plus de touches de folie comme avec le personnage de Lex Luthor. Et bah tu seras contente parce qu'apparemment ils vont retourner exprès des scènes d'humour pour Suicide Squad. Parce que soi-disant, toutes les blagues étaient dans le trailer. Eh bah. Ah putain. Quand t'as Harley Quinn et que tu rigoles pas avec elle, c'est quand même emmerdant, quoi. Si, bref, on verra qui verra Suicide Squad et qui sera là pour en parler. Je voudrais rebondir juste sur ce qu'a dit Elodie. Je suis pas à dire que c'est quand même un divertissement, mais simplement, je trouve qu'il y a aussi un problème dans la structure du film qui fait que pendant 1h30, ça se regarde le nombril et c'est contemplatif à mort, c'est pompeux, c'est sombre, c'est... Enfin, manque de subtilité, t'as oublié. Mais attends, oh, non, mais laisse-moi finir. Oui, bon, ça aussi, d'accord. Mais après pendant la dernière heure, disons peut-être les dernières 45 minutes, voire 30 minutes, tout de suite, ça se décoince complètement. C'est beaucoup plus débridé. T'as le dernier affrontement, on te sort Doomsday, on te sort la mort de Superman, on te sort un truc. Et là, d'un coup, j'ai l'impression que tout ce qu'ils ont essayé de bâtir avant, avec parfois quelques bonnes idées, tu vois, l'espèce le contemplatif, il y a aussi des bons côtés, genre ce Batman un peu, enfin, qui est censé être terre à terre humain face à un Superman qui est toujours filmé en hauteur, voilà. Bon, pourquoi pas. Mais après, ça se décoince complètement, genre sur la fin, et ça se lâche complètement. Et là, j'ai l'impression de revenir à un film de super-héros basique, classique, où à la fin, on te sort l'ennemi en mode Deus Ex Machina. T'as les trois, tu vois, qui sont rassemblés dans un espèce de plan complètement iconique pour te dire, voilà, c'est aussi Dawn of Justice, il faut bien qu'on justifie notre sous-titre. Et là, il te lâche complètement les chevaux. Et là, tout de suite, je vois plus trop la différence. Avec un film de super-héros classique, quoi. Il y a aussi un gros problème de structure de ce point de vue-là, ce qui fait qu'on ne sait pas si à la fin le film danse sur, enfin, entre d'un côté un espèce de divertissement qui chapeauterait un peu le tout, et aussi une volonté de faire un espèce de film léché, presque d'auteur, presque voilà quoi, tu sens que Zack Snyder c'est pas trop où il va aussi de ce point de vue là. C'est pour ça que je trouve que le film cinématographiquement n'est pas terrible, voire n'est pas bon. C'est parce que il y a plein de choix qui font que il y a toujours un espèce de cul entre deux chaises, et qu'ensuite quand tu regardes dans le contenu, oui certes il y a de bonnes choses, mais ça rencontre tellement ces choix dans la forme et dans l'agencement du film que après tu sais, le spectateur lui-même ne sait plus trop quoi en penser, et du coup il vacille vers le négatif parce qu'il sait pas trop à quoi se raccrocher. Personnellement c'est comme ça aussi que j'ai un peu ressenti le film. Bien, alors, dernière chose avant de terminer, je vais vous demander chacun Doomsday, oh non, c'est bon. Oh non, ouais, ça va. Je vais vous demander juste à maintenant, ça fait bientôt 2 heures là, j'ai envie de me pendre déjà, de revivre ce film, donc on va s'arrêter. Je vais vous demander chacun de donner votre note sur 5 pour le film. Et en même temps que votre note, et ne vous cachez pas derrière, c'est pas le vrai film, c'est pas la vraie version, machin, vous avez quand même, ils l'ont diffusé, donc il doit être noté comme produit tel qu'on nous l'a vu, voilà. Une note sur le film, et en même temps, je vais vous demander un petit commentaire par rapport au fait que c'est l'ouverture du DCEU, hein, le fameux DC Extended Universe, donc au cinéma. Et voilà, c'est censé nous introduire Justice League, nous donner envie d'aller voir les autres films, machin, tout ça. Donc, une note, et est-ce que en tant qu'introduction au DCEU, pour vous, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Et du coup, est-ce que vous avez envie d'aller voir la suite du DCEU ou pas? Voilà, juste en quelques mots, pas la peine de partir sur un quart d'heure. N'est-ce pas, Léo? Arnaud. Ça va, hein. Ma note, je sais pas, parce que je sais pas. comme je suis mitigé, comme je suis mitigé semaine, sur Ardo. Le film et que j'ai essayé de parler sur mon avis, comme je suis mitigé, je vais donner la moyenne. Je vais pas privilégier le négatif ou le positif, je vais mettre 2,5. D'accord. Et pour la suite, pour le DC Extended Universe, alors non, c'est une mauvaise introduction pour moi au DC l'univers DC. Hein, on va l'appeler l'univers DC. C'est une mauvaise introduction à cet univers. Comme je l'ai dit, le rêve, la vision ne fonctionne absolument pas avec Darkseid et compagnie. Et la scène coupée qu'ils ont pas mis, qui aurait dû vraiment être dans le film, et ça aurait peut-être mieux marché à ce niveau-là. Après, pour l'introduction des autres membres de la Justice League, comme je l'ai dit, c'était très maladroit la manière de le faire. Même si ça m'a fait plaisir en tant que lecteur, de fanboy, tout ça, ça m'a fait plaisir. Mais en soi, objectivement, c'était très maladroit. Donc, en tant qu'introduction à cet univers, non, c'est pas bon. Mais ça me donne quand même, mais je sais quand même que j'irai voir les autres films, et que j'ai plutôt hâte quand même de voir d'une part Suicide Squad, puisque Snyder n'est pas trop impliqué dans le film, puisqu'il était réalisé en même temps qu'il faisait BVS, donc il n'a pas pu s'investir autant que les autres. Donc à voir. Et je suis quand même attiré quand même par Wonder Woman quand même. J'ai beaucoup apprécié le personnage dans ce film, donc je suis intrigué par son propre film. Et les autres, en soi, l'idée, parce que c'est des super-héros que j'aime, j'ai envie de les voir. Mais en soi, je suis pas plus attiré que ça par l'introduction que j'en ai dans le film. Elodie? Moi je mettrais aussi 2,5 sur 5, voilà, comme j'ai dit au début, quelques bonnes choses, d'autres plus mauvaises. Après, même si je trouve qu'on a beaucoup pointé du doigt tout ce qui était mauvais là pendant 2 heures, les points positifs c'est plus un ensemble entre guillemets de ce que je disais, voilà, un côté divertissant qui fait que tu passes. Enfin, moi j'ai pas passé un mauvais moment, je me suis pas fait chier non plus. Voilà, c'est juste qu'on attend un truc pendant 3/4 du film qui au final finit en quelques secondes et qui a aucun intérêt parce que ça devient ridicule avec le fameux Martha. Et un combat final, limite j'aurais préféré un affrontement avec Lex Luthor, donc même s'il y avait, bref, c'était pas équitable, mais passons les détails. Et pour la suite, je connais pas l'univers, donc j'ai du mal à dire si je suis impatiente, si je l'attends vraiment. Juste d'après le film, pour moi c'est une suite de Man of Steel déjà, donc pour moi ça reste pas un premier. Et Wonder Woman par exemple, puisque t'as l'introduction du personnage dans le film. J'irai le voir. Il n'y a aucun truc que j'attends impatiemment. Il n'y en a pas un où je me suis dit, oh, j'ai trop hâte de le voir. Je sais que j'irai, que voilà. Mais c'est pareil, c'est comme Man of Steel ou Batman v Superman. Je les attendais pas impatiemment, tu vois. Et j'en attendais d'ailleurs rien du tout. Donc j'irai parce que ça me fera plaisir de voir ce genre de film. Mais j'en attends rien. C'est vraiment, okay. Vraiment rien. Allez, Rich. Moi, je mettrais. Bon, j'hésitais entre 2,5 et 3. Principalement à cause de ce qu'elle a dit, Elodie, parce que du film, je me suis pas trop ennuyé. J'ai même. Je mettrais 2,5. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a la première partie qui est un peu longue, qui parfois, à certains moments, a failli me faire chier. Mais dès que ça commence à être un peu plus animé, c'est beaucoup plus intéressant. Mais par contre, un demi-point à moi à cause de la fin avec Doomsday qui est parfois un peu incohérente. Et le fait qu'il ne soit pas vraiment à taille humaine fait que le combat est un peu moins appréciable avec tous ces trucs d'énergie, machin. Donc, ça, voilà, je mettrais 2,5. Ensuite, pour le DCEU. Je dirais que voilà, vous aviez moi le film que j'attends cette année, c'est Civil War, donc ce film-là ne m'a pas plus hypé pour la suite, mais on sait très bien que voilà, je serai là le mercredi soir, le mercredi soir ou le jeudi soir pour les prochains, notamment pour voir Flash, voilà, mais pas une super introduction au DCU. Hein, les bases posées sont pas aussi hype. D'accord, merci Léo. Concrètement, 2,5 sur 5 aussi, parce que en tant que tel, et encore une fois, sur le contenu, tout ça, bon, il y avait éventuellement des bonnes choses, mais ça se casse parfois la gueule, et sur le plan de la réalisation, voilà, c'est mauvais. Après, je suis assez... utilité. Non mais ça va, tu vas pas me réduire à ça non plus, je veux dire, laisse-moi finir un peu. en plus, j'allais te dire que j'étais d'accord avec toi, si en plus tu... Voilà. Ah non, tu es d'accord avec moi pour une fois ? Non mais je suis relativement d'accord avec ce que tu as dit, dans le sens où en effet, ce qu'il y a de positif, c'est que c'était plutôt un espèce d'ensemble, un truc qui fait que, bon, parfois, il y a des choses qui s'imbriquent un peu, qui sont pas mauvaises. J'ai pas détesté Ben Affleck, à la fin, quand Luthor devient un peu bad guy, tout ça, il pète un câble. Ok, il y a quelques trucs comme ça qui m'ont plu, mais il y a d'autres choses qui m'ont trop gêné et qui m'ont trop paru pompeuse pendant 2h30 pour que je puisse mettre au-dessus de la manière. Ensuite, concernant l'introduction dans le DCU, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit avant. Je trouve pas que ce soit super bien agencé. C'est pas hypant. En effet, comme dit Rich, c'est pas non plus extrêmement engageant. Après, j'irai aussi, notamment par curiosité, surtout parce que j'attends Suicide Squad, parce que j'espère que c'est aussi kiffant que ce que nous disent les trailers. J'irai voir Flash parce que j'adore le personnage et voilà. Wonder Woman aussi parce qu'elle m'a pas non plus déplu dans le film. Enfin, j'irai voir, c'est sûr. Même Justice League réalisé par Zack Snyder, j'irai. Quitte à me tirer une balle en sortant, mais j'irai voir pour. On sait jamais, hein, d'ici 2018, il aura peut-être évolué. Est-ce que c'est sûr c'est lui qui réalise les prochains? Oui. Il me semble que c'est sûr que c'est lui pour. Il réalise Justice League, partie 1 et partie 2. Mmh. Bah voilà. Donc, partie bon, 2, j'irai... pour l'instant, on a encore le temps de voir, mais partie 1, c'est sûr, elle entre en tournage dans moins de deux semaines. Voilà. En tout cas, c'est sûr, oui, j'irai voir. Après, c'est pas non plus. Pour moi, ce sera 1. 1 sur 5. C'est pour le Lex Luthor, c'est ça? Non, on n'a pas Batman dans le film, on n'a pas Superman. L'affrontement, il est raté. Il arrive super tard. L'aube de la justice, voilà, c'est tout ce que j'ai dit au début, ça marche encore. Et voilà, moi je suis désolé, Zack Snyder a pris des personnages avec 75 ans d'histoire, il s'est assis dessus, il a baissé son froc, il leur a chié dessus. J'ai lu les comics qu'il est censé avoir adapté. Et son DCEU, il est hors de question que j'aille voir la suite. Sérieux? Et comment tu feras pour les podcasts? Mais je vous écouterai, j'animerai, je vous poserai des questions. Et si vraiment vous êtes unanime pour dire que c'est génial, que machin, ok, j'irai le voir. Mais il est hors de question que je retourne m'enfoncer au fond de mon fauteuil pendant plus de 2 heures à me dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait au personnage que je lis depuis que je suis enfant. C'est pas ce que j'attends d'une adaptation d'ici, c'est pas l'univers d'ici que je connais et que j'ai envie et que j'aime voir. Alors à un moment, je peux pas non plus décemment le critiquer et dire tout ce que j'ai dit dessus pendant 2 heures et derrière continuer à payer et à alimenter tout ça. Non. Même des films qu'il a pas réalisés, genre Wonder Woman. Mais il va les produire ces films-là et ils vont se baser sur ce qu'il a fait. Ils vont se tourner vers un film qu'il va réaliser, vers Justice League. Forcément, même s'il les réalise pas, il les produit et ça va être dans le même univers. S'ils veulent que ça soit cohérent, il va falloir qu'ils aillent dans cette putain de direction et voilà. Et moi, c'est hors de question que j'aille voir ça. Mais voilà, il a rien compris à ses personnages, il a rien compris aux histoires qu'il adapte. Bon, bah on est tous d'accord qu'on attend tous Civil War, quoi. Ouais, oui, et même pas, parce que si c'est pour nous servir la même chose qu'Avengers 2, à la rigueur. J'ai très peur de cette Civil War aussi. Hein. Bah, encore un point commun avec Elodie, c'est qu'on est plus fan de l'univers Marvel. Et ouais. Mais moi, je suis fan de l'univers DC, justement. Et voilà, là, j'ai vraiment pris un coup derrière la gueule quand j'ai vu ce film, quoi. Ouais, comme On va beaucoup de gens, conclure, on va se donner probablement. rendez-vous la semaine prochaine, quand même, pour un autre sur nos écrans. On va vous parler de peut-être ce qui est pour la plupart d'entre nous le meilleur film de super-héros de l'année dernière, c'est-à-dire The Invisible Boy, Il Ragazzo Invisibile. Oui, on en parle la semaine prochaine. On va vous en parler, certes, avec un an d'écart, etc. Mais voilà, on vous en parle dès la semaine prochaine, parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, qui en a touché certains aussi, que pas mal de personnes dans l'équipe ont vu ou sont en train de voir. Donc voilà, on va vous en parler, même avec un an d'écart, c'est pas grave, ça vous empêche pas de le découvrir, surtout qu'il y aura une suite en 2017. Donc voilà, on vous parle de ça la semaine prochaine. Dans 2 semaines, Comic Stories numéro 50. Donc numéro 50, on va faire forcément quelque chose de spécial. On va vous parler d'un film qui fête ses 50 ans cette année, Batman de 1966. Et puis la What? série. What? What? Dans 2 semaines, on parle de ça? Ouais. Et on parle pas du final de The Walking Dead? Ah, c'est vrai, il y a ça aussi. Bah, on verra dans quel ordre on les met, mais on mettra en diffusera peut-être le 51 avant le 50, alors on n'est pas à ça près, après tout. Mais oui, évidemment, le final de The Walking Dead arrive aussi dans les semaines qui viennent, puisque ça s'annonce. Ils n'ont pas fini l'épisode, là. On ça a tous quand même très assez clair. Fort. On se retrouve également mardi. Mardi, on sera le 5 avril pour le MAG, numéro 43. Et puis, bah, vous avez toujours, évidemment, le Comic Stories numéro 200 à écouter, notre réponse à la nomination au Leapster Award de Fanny. Et on attend la réponse sur nos écrans, puisque on rappelle qu'on a nommé les deux Small Things et des Plumes Asthmatiques. Mais ah oui, Small Things, il y a quelqu'un qui le représente ici. Donc voilà. Bah oui. Donc on attend vos réponses maintenant. On ne voit pas qui vous parlez. Allez. On vous souhaite quand même une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et faites-vous votre propre avis sur le film. Faites-vous votre avis. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur cette émission, sur nos points de vue, à donner votre point de vue. Vous l'avez déjà pas mal fait dans l'article, mais continuez. Ça nous intéresse, on les regarde. Et la note des gens. Et voilà. Ah, la note des gens, mais oui, la note des gens. 10% s'en tamponne. 12% ont eu le film dont ils rêvaient. Combien, 12? 12. 25%, non, 23% pensent que le film n'est pas bon. Pour 25%, c'est une honte. Et pour 34%, c'est bien. Ce qui fait, quand on fait le cumul positif-négatif, on a 46% pour soi qui vont de bien au film dont je rêvais, et 48, donc un tout petit peu plus, pour de c'est pas bon à c'est une honte. Voilà. T'as dit 48 et 46 quand même. Ouais, 48%, 46%. Ouais, c'est très serré, mais ça représente bien aussi la vie. Voilà, c'est un film qui partage. Ça montre bien la vie mitigée que les gens ont. Oui, c'est voilà, les gens. Et les gens sont quand même, quand ils n'aiment pas, n'aiment vraiment pas, quoi. Parce que 25% pour c'est une honte, c'est assez fort. Allez, bonne fin de journée, bonne soirée, bon film, bonne série, et on se retrouve très vite. Salut. Salut. Au revoir. Salut.